Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma numéro 35, l'émission où l'on discute des actualités cinématographiques qui sont passées durant normalement le dernier mois, mais comme on n'a pas fait d'épisode pour septembre, ce sera pour deux mois du coup, puisque le dernier épisode date d'août 2019. Donc je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude pour ce podcast. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi un invité habituel du podcast Parlons Cinéma et mon co-hôte sur le podcast Movies Nerd, c'est Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Bah nickel. tant que tout va bien, c'est parfait. Exactement. C'est ça. Du coup, on va parler de... comme j'ai dit avant d'enregistrer en off, comme on dit dans le milieu professionnel, j'ai fait du gros édito, c'est-à-dire que j'ai regardé tout, enfin je me suis tapé quand même pas mal de news, j'ai regardé, et j'ai choisi celles qui étaient les plus intéressantes, entre guillemets, pour nous, c'est-à-dire celles où on aurait des choses à dire, pas juste « ah oui c'est cool, ça va se passer », où on a vraiment quelque chose à dire à propos de ces bandes annonces ou de ces informations sur ces films, voilà. Je voulais juste dire aussi que le podcast Movies Nerd, qui était pour le mois de septembre, ne sortira pas parce que bon... J'étais tout seul, j'ai essayé d'enregistrer, c'était un calvaire sans nom. En plus, je me suis planté. J'ai enregistré, il y a un bruit au fond, dans le fond, qui est absolument atroce. Ah bon ? Ouais, non, mais je me suis planté avec mon mixeur et du coup, j'ai essayé de régler ça en post-production et ça a pas fonctionné du tout. Donc, en plus d'être un calvaire, c'est-à-dire moi tout seul pendant une heure devant un micro qui fait des qui essaye de chercher ses mots, etc., et qu'il y a personne à qui répondre. En plus, c'était inécoutable. Donc, du coup, voilà, ce podcast a été rangé aux oubliettes à tout jamais et sera fait partie des podcasts maudits. Du podcast Movies Nerd, et du coup on fera le podcast 51 normalement pour les films d'octobre. Morgan devrait être de retour, voilà, puisqu'il va enfin avoir un nouvel ordinateur prochainement en novembre, donc voilà. Revenir vers la civilisation. Exactement, et on pourra entendre tous ses avis sur ces différents films que sont... qu'est-ce qu'il allait voir récemment? Joker. Voilà, Joker, par exemple, que je vais aller voir vendredi prochain. Ou d'autres films. Maléfique, voilà, je cherchais le mot. Ah oui. Maléfique, que je vais voir prochainement aussi. Voilà, voilà. Peut-être demain, je ne sais pas. D'accord, ben, c'est cool. Au moins, du coup, ce sera sûrement le film du mois. si tu vas le voir. C'est intéressant, parce que alors, c'est vrai que c'est con, mais alors Joker... Ouais, non, mais... C'est moi, pas que ça m'intéresse pas, mais... Ouais, mais c'est toute la... Honnêtement, moi, j'attends que la hype redescende pour aller le voir. Voilà, voilà. Bon, on va pas parler pendant 1000 ans de tout ça. Du coup, c'était juste pour vous annoncer que le podcast de septembre, se fera en octobre, et puis voilà. On est parti pour ce numéro 35, les actualités du 16 août au 15 octobre 2019. En commençant avec l'annonce d'un reboot de Resident Evil. Du coup, deux ans après la sortie de chapitre final de Paul W.S. Anderson, la saga Resident Evil s'apprête à renaître de ses cendres, déjà. C'est à Johannes Roberts que le reboot a été confié, réalisateur de The Doors, Strangers, Pray at Night et 47 Meters Down, qui est sorti aux États-Unis il y a un mois à peu près. Il a profité de cette sortie justement pour donner des nouvelles du projet. Ils sont actuellement en phase de développement actif et il a pitché une approche au producteur, c'est ce qu'il dit, et ils ont vraiment adoré. Donc ils préparent ça. Ça devrait s'ils veulent faire quelque chose qui se rapproche de l'épisode numéro 7 qui était sorti sur console et PC en 2017 et qui marquait aussi un renouveau complet de la franchise au niveau du jeu vidéo, quelque chose de plus effrayant. Ils veulent revenir aux racines du jeu et que ils sont... Et ils reprendraient vraiment plus la base du jeu. C'est ça. Plus là où ils avaient intégré le personnage d'Alice qui n'était pas dans les jeux, en fait. Oui, c'est ça. Et ouais. Surtout, plus le côté horreur, en fait. comment dire, moins action et plus horreur, qui a été retrouvé justement avec ce numéro 7 de la saga Resident Evil en jeu vidéo. Et en plus, on sait qu'il y a une adaptation en série qui est en préparation du côté de Netflix, qui n'a rien à voir avec cette adaptation, enfin ce reboot. Donc voilà, il va y avoir pas mal de Resident Evil dans les prochaines années à venir. Toi, je sais que tu as vu pas mal des films, peut-être même tous. Paul W.S. Anderson, des films que tu apprécies au demeurant, mais enfin voilà, tu... Ah, je sais pertinemment que c'est de la grosse dose, mais que j'aime bien. Même si honnêtement, le premier, je trouve que ce n'est pas non plus une daube absolue. Mm-hmm. Je pense qu'il y a bien pire. Oui. On lui crache facilement sur la gueule. Après, bien sûr, hein, c'est, je veux dire, quand c'est sorti, ça avait déjà 10 ans de retard, quoi. Mais parce que c'est un peu le truc, c'est que Anderson fait des trucs. Oui, il a un peu... C'est très old school, c'est très, c'est kitsch, quoi. Mm-hmm. Et puis c'est crétin, mais il le fait tellement bien, en fait, que du coup ça en devient drôle et sympathique. Après voilà, les films se valent pas tous, hein. Je me rappelle que le 5, j'avais trouvé ça vraiment chiant. Mm. Le 6 aussi, d'ailleurs. Mais par exemple, j'aime bien le 4. Alors, je sais pas pourquoi, mais... Chapitre final, c'est le combien ? C'est le 7... C'est le 6e. 6e, ok. C'est vrai que j'aime bien le 4 avec le Axeman, là, la scène... C'est pas dans le sable ? Non. Non, c'est le 3. Dans le sable, c'est le 3. Ouais, voilà. Et où on revient dans le Hive, en plus, un petit peu, il me semble. Enfin, oui, c'est dans celui-là. Ouais, oh là, j'ai tellement de... Enfin... J'arrive plus à me souvenir de tout ça. Et oui, alors par contre, c'était complètement barjo. Hein, ils partaient dans un délire un peu à la Mad Max et tout, mais bon, c'était... Oui, de toute façon, ils étaient déjà partis très loin. Ah donc, oui. Mais le premier, c'est vrai qu'il y a des trucs quand même qui fonctionnent bien. La scène là, avec les lasers et tout, c'est assez... c'est plutôt bien foutu. Oui, bah oui. Et il y a vraiment... Enfin, il y a... Il y a une scénographie quand même qui est très très jeu vidéo, je trouve, en plus. Rendre les combats, les machins. Ça va quand même, le premier. Bah, après, voilà. Mais du coup, oui, je suis curieux de voir ce que peut donner un reboot plus axé sur l'horreur. Ouais. Alors, même si pour le coup, le réalisateur, sa filmographie n'est pas fonction. Hein. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas vu ses films. Donc, moi non plus, mais. Enfin, oui. De ce qu'on en sait, enfin de des retours qu'on a eu sur ses films, c'est vrai, sur ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Et par curiosité, quand tu regardes sa meilleure note sur Sens Critique, bon après c'est Sens Critique, c'est 5,5. Pas non plus. Oui, non, c'est clair que c'est pas. On confie pas ça à un Guillermo del Toro ou à quelqu'un qui pourrait avoir. Guillermo del Toro dans un univers comme ça pourrait être génial. Ça pourrait être super, ouais. Surtout qu'il aurait pas peur d'aller dans le trash, donc. Je suis pas sûr que les zombies l'intéressent beaucoup, Guillermo del Toro. Ouais, je sais pas. Après, il aime bien tout ce qui est macabre et tout ça. Hein. C'est toujours. Oui. C'est sa cam, on va dire. Mais enfin voilà. Après, je disais Guillermo del Toro en exemple, hein, parce que c'est le genre de cinéaste. Dès qu'on annonce un projet de lui, tout le monde est content en fait. C'est ça. Donc ou quasiment tout le monde, on va dire. Ceux qui sont pas trop cyniques et du coup moi je le verrais bien là-dessus. Bon après moi je dis pourquoi pas, hein, Joan Roberts, on verra bien ce que ça donnera avec lui. Comme le dit, j'ai vu aucun de ses films et le 7 en fait j'ai vraiment après 47 Meters Down apparemment était pas mal quand même. Était pas mal, d'accord. Apparemment c'était un bon film de requin. Ok, voilà. Ah c'était un film de requin. Ouais, ouais. Ah, oui, c'est vois, dans une cage en fait, enfin ouais, ouais. Oui, mais en fait, il est sorti en e-cinéma en France, donc du coup, voilà. Donc j'imagine bien que les effets spéciaux doivent pas être ouf. Ouais, voilà. Mais après, voilà, il y a eu une période film de requin avec The Reef et tout. Mais déjà, faire un film sur la mer, ça demande un certain, comment dire... un certain courage. Bah, le truc, c'est que depuis Les Dents de la Mer, il n'y a pas vraiment eu de bons films de requins, hein, de toute façon. Oui, voilà. C'est vrai que Instinct de survie était pas trop mal en 2016, Mais après, plus les films vraiment qui se passent sur la en mer, sur la mer. Après, j'ai pas vu Le Grand Bleu, mais apparemment. C'est long. Voilà. C'est très long. Mais après, c'est joli, non. C'est très joli, mais c'est très très long. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que par contre, c'est très beau, oui, c'est sûr. Voilà. Les scènes de plongée sont vraiment impressionnantes. Ouais. Mais c'est par contre, c'est super. Ouais. Oui, non, mais je... J'avais déjà reçu, enfin j'avais déjà vu les retours là-dessus. Et c'est, enfin, quand je voyais la durée du film, je me disais. Ah ouais, non, faut s'accrocher. Hein. C'est à l'époque où Luc Besson avait des choses à raconter et du coup prenait son temps. Ouais. Hop là, un petit tac. Mais faudrait peut-être qu'on le retrouve un peu quand même, ce Besson là. Oui, bah oui, ça pourrait être sympa. Mais 2h48, oui, avec. Voilà, bon. Oui, du coup. Pour revenir à Resident Evil. On verra bien ce que ça donnera. Curieux. Honnêtement, j'attends de voir une bonne annonce pour voir si ce qui est promis se retrouvera retranscrit à l'écran. Voilà. Passons à la suite, du coup, avec une news qui a affolé pas mal de monde. Voilà, donc c'est la suite de Matrix Revolution, du coup, a été annoncée, Matrix 4. Il y avait plusieurs rumeurs ces derniers mois sur le fait qu'il y aurait peut-être un reboot ou un préquel centré sur la jeunesse de Morpheus. Mais en fait, c'est bien une suite qui sera faite. Du coup, c'est à la réalisation, il y aura Lana Wachowski qui revient sur la trilogie, enfin sur ce film. C'est elle qui va réaliser et scénariser le film sans sa sœur. Elles reviennent pas toutes les deux ? Non, sa sœur Lily ne va pas revenir. Voilà, c'est juste elle. Donc c'est assez intéressant parce que. Ah mais du coup ça est un peu perturbant parce que on est tellement habitué à les voir travailler ensemble. C'est ça en fait, les deux elles sont tellement elles ont jamais fait de projet solo à moins que je me trompe mais que ce soit Cloud Atlas Matrix les premiers Jupiter Ascending Speed Jupiter Racer Ascending voilà. Ouais, tout ça quasiment tous leurs films il me semble hein, après je suis pas non plus le plus gros expert de leur cinéma du coup je pourrais parce que Bound c'est pareil elles l'avaient fait ensemble ouais mm. Voilà. Elles ont tout fait ensemble. Ouais, du coup, c'est confirmé que Lana Wachowski va réaliser et scénariser. C'est confirmé que Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reviennent dans leur rôle de Neo et Trinity. Parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Ah oui, oui, oui. Je sais pas si Morpheus va revenir. Bon, on ne sait pas grand chose. Sachant que, bon, même si c'est un peu du spoil sur Révolution, bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas vu, mais Neo et Trinity sont un peu laissés pour mort à la fin de Révolution, donc attends, Neo et Trinity merde, maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est écrit dans la news Allociné, alors est-ce qu'ils sont morts à la fin? Je l'ai vu il y a si longtemps que j'ai un doute le 3 ouais, dans Révolution je l'ai vu qu'une fois, mais non, il me semble pas, ils sont pas morts. Okay, je sais plus. Alors ils se sont trompés ou alors les fans de Matrix vont nous arracher la gueule, mais en même temps vous avez vu la gueule de Révolution, c'est pas Jojo hein. Les trois sont bien ensemble, c'est ça, et moi il y a des scènes de Révolution que j'aime beaucoup, la scène de bataille finale entre Neo et Mr. Anderson comment il s'appelle, Agent Smith, c'est ça. C'est ouais. Ça. Parce que Monsieur Anderson, c'est ouais. Néo, justement. Oui, voilà, c'est ça. Monsieur Anderson. Avec cette voix française. Excellent. Ouais. Donc voilà. On en sait pas. Et Hugo Weaving, est-ce qu'il revient? Ah, ça. Ça serait cool qu'il revienne en tant que bug. Honnêtement, ce serait vraiment cool. Ce serait génial. Ce serait trop bien. Ouais. Mais, parce que moi, c'est un acteur que j'adore voir. Ouais, ouais. En plus, il était. Enfin, moi, je le trouve toujours excellent dans oh, ouais. Avec elle, surtout dans Cloud Atlas. Ah ouais, et non, tout mais ça, quand elles le font jouer une nonne. Ouais. Une nurse dans Cloud Atlas. C'est tellement génial. Ouais, ouais. Non, ouais, ah non, j'espère qu'il va revenir. Ouais, moi aussi, j'espère beaucoup. Donc en fait, on n'en sait pas grand chose. Hein. On sait juste que ce sera une suite. Sous quelle forme, on ne sait pas vraiment. On sait aussi que David Mitchell, donc auteur du roman La cartographie des nuages, donc qui a été adapté en Cloud Atlas par les Wachowski, sera le co-scénariste du coup de ce Matrix 4. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc sachant que Cloud Atlas ça prédit déjà qu'on va pas tout comprendre là, voilà coup. C'est ça. Sachant que Cloud Atlas, j'aimerais quand même le réhabiliter comme étant un des meilleurs films des années 2010, hein, clairement un des meilleurs films de l'univers, oui. Voilà, c'est ça. Clairement. Et honnêtement, si vous l'avez, enfin revoyez-le, hein, parce que c'est tellement un film complexe, c'est parfait quoi. Ouais, c'est vraiment excellent, excellent. Ouais. Donc voilà, moi je suis sachant que j'aurais préféré, je vais dire ça comme ça, j'aurais préféré voir un autre film dans l'univers de Cloud Atlas ou Jupiter le destin de l'univers, sachant que le dernier, j'ai vraiment envie de voir une suite de ce film, mais ça se fera jamais. Jupiter le destin de l'univers. Ouais, Jupiter Ascending, ouais. Ou Jupiter, j'aimerais tellement voir une suite ou quelque chose dans le même univers, parce que l'univers. Bah, le truc, c'est qu'on sent bien, Jupiter, c'était prévu pour être une trilogie, enfin un film à suite, quoi. Et qu'elles ont été obligées de tout raboter. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment dommage. C'était dans mes envies de suite par rapport aux univers de Wachowski. Moi, j'aurais préféré une suite à Jupiter ou à Cloud Atlas. Même ouais, Cloud Atlas, non, même pas. Non, j'ai envie qu'il reste parfait comme il est. Ah oui, ouais, non, pour moi, Cloud Atlas, ça suffit non, à lui-même. Non, il suffit à lui-même. Mais Jupiter, je trouve qu'il y a quand même, comme tu disais, il y a tout un univers qui peut être exploré et qui aurait mérité d'être exploré. Je disais d'ailleurs dans ma critique, c'était quand il est sorti, en 2016-2015. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait été hyper déçus. Ouais, voilà, s'il pouvait nous sortir... un roman ou alors une version longue de Jupiter Ascending, ça aurait été génial. Oui. Mais ouais. Bon, voilà. Une Wachowski cut. Ouais, voilà, c'est ça. Ça vu qu'on est toujours en attente de la Snyder cut. Oui, bah voilà. Pour Justice League, voilà. C'est... Moi, après, Francis Ford Coppola qui a sorti son Apocalypse Now Redux 40e édition. C'est vrai. 40 ans plus tard. Donc. On peut jamais dire non à... Enfin, tu vois, il y a toujours des possibilités au cinéma, il n'y a jamais de porte fermée, on va dire. Donc, voilà. Mais, un Matrix 4, pourquoi pas, honnêtement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content à l'idée de revoir ces personnages et... Bah oui, parce que c'est des personnages intéressants. Après, est-ce que j'aurais pensé une suite à Matrix? Forcément, parce que pour moi, ça se bouclait en fait dans le 3. Voilà, bon, déjà, en gros, le premier se suffit. Les deux autres sont pas inintéressants et ils viennent boucler l'histoire. Mais c'est vrai que le premier déjà se suffisait. Ouais. Donc après, bon, la trilogie fonctionne quand même, mais du coup, c'est vrai qu'une une tétralogie, je sais pas si c'est... Si c'est nécessaire, clairement. Je ne sais pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a... Enfin, honnêtement, moi, je sens plus le... Je ne vois pas vraiment sur quoi ils peuvent partir, en fait. En ouais, plus. Ça. Et après, ça se trouve, on va être démenti par une bande-annonce qui va nous dire que, clairement, ils avaient d'autres idées en tête. Mais là, pour l'instant, la façon dont ils l'annoncent et tout, ça ressemble plus à un move marketing slash pour l'argent. Mais c'est surtout que depuis qu'il est sorti, le 3, jamais on a vraiment entendu de leur part qu'elles pensaient à d'autres c'est idées, ça. En fait, pour Matrix. Voilà, ouais. Donc, moi, je pense que parmi les projets qui leur importaient le plus dernièrement, il y avait Sense8, qui a malheureusement été annulé sur Netflix, la série. Bon, il y a quand même eu, il y a eu deux saisons et plus l'épisode spécial. Il y a eu deux saisons complètes, plus un épisode spécial deux heures et demie, je crois. Qui est venu clôturer de façon dramatique. Enfin, comment dire, il n'y a pas eu de saison 3, du coup, ils se sont fait harceler Netflix et ils ont... accepter qu'elle tourne en urgence leur fin. Et le plan final de Sense8 est un joli pied de nez justement au producteur de Netflix. D'accord. Je trouve. Ah, ça se termine sur un god en fait. Ah, voilà. Okay, donc c'est très c'est sympathique. Oui, c'est très symbolique. Voilà. Je trouve que dans la symbolique ça fonctionne très bien. Non, mais de toute façon les Wachowski, la symbolique qu'ils connaissent. Hein, c'est un cinéma je trouve toujours très très symbolique qui fonctionne bien. Bah, c'est pour ça que Cloud Atlas est si beau justement. Ouais ouais. Donc voilà, c'est comme tu disais, c'est clairement pas le truc auquel on pensait. Après, on verra bien ce que ça donnera. Mais moi j'aurais préféré aussi. Dans ma liste, mon numéro 1, ça aurait été plus un nouveau projet. des Wachowski que de revenir sur leur gloire passée, quoi. Après, ça reste un choix logique quand même de revenir sur un de leurs succès, puisque bah, malheureusement, tout ce qu'elles ont fait d'original, que ce soit Cloud publics, Atlas, quoi. Que ce ouais. soit Jupiter Ascending, ça n'a jamais fonctionné, en fait, même au si cinéma. Même si c'est une réussite critique, le public ah, ne suit jamais, quoi. C'est ça. Et c'est dommage. Enfin, quoi que Jupiter Ascending, ça n'a pas vraiment été une réussite critique ouais. non plus. Non, bien sûr. Mais parce que bon, là c'est il y a un problème au niveau de la production et du studio qui... Qui a bien foutu une nez dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Mais Cloud Atlas, c'est vrai que c'est désolant de voir que ça n'ait pas fonctionné. Ouais. Et bon, par contre, voilà, la plupart des gens qui découvrent le film le trouvent génial, en fait. Bah, oui. C'est juste qu'il a été très mal vendu. Ouais. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils reviennent aussi, je pense, à Matrix. C'est parce que le truc, c'est que si on veut regagner en crédibilité auprès des producteurs, il faut qu'on fasse un film qui fonctionne. Ouais. Parce qu'on a fait une série sur Netflix qui fonctionnait, mais malheureusement... Netflix arrête la série parce que ça coûte trop cher. Donc c'est bien, tu te dis, en fait, ils vont nous faire une saison de The Witcher, ils vont arrêter parce que les costumes et les effets spéciaux, ça coûte trop cher. C'est clair. Ça, c'est un peu débile, quoi. Donc ouais. Faut savoir ce qu'on veut. Non, c'est donc clair. C'est pour ça, je pense qu'elle, il faut qu'elle regagne en fait en crédibilité, même si elles en ont, mais il faut qu'elle regagne oui, devant en les auprès en fait. Des producteurs ouais, pour pouvoir ensuite proposer des projets. Voilà. Après, Cloud Atlas, ça reste un projet assez particulier parce qu'elles l'ont en partie financé elles-mêmes le troisième réalisateur. Ouais. Donc, Mais ça n'empêche pas que... À mon avis, elles se sont ruinées là-dessus. Hein, ouais, je pense aussi, malheureusement. Ouais. Mais voilà. Donc, du coup... on verra bien ce que ça donnera. On passe à la suite avec une annonce pour un film Disney, du coup. Comme c'était la D23 ou D23 en français. La D23, c'est ça. Récemment, je ne sais plus quand ça s'était passé, mais c'était en fin août, il me semble. Du coup, on a eu une annonce d'un nouveau titre de film animé chez Disney qui s'appelait précédemment Dragon Empire. Et qui a finalement pour titre Raya and the Last Dragon, ou Raya et le dernier dragon en français. Je pense pas que... Enfin, le titre n'a pas encore été traduit, mais je pense clairement que ça va être ça. C'est un film qui se passera dans le pays fictif de Kumandra, dans lequel 5 clans forment le pays du dragon. Ça ressemble très fortement à quelque chose, enfin à Avatar, le dernier maître de l'air. Pour ceux qui ont vu la série animée ou malheureusement le film ouais, malheureusement oui ouais. Donc c'est surtout ça que j'ai vu moi ouais, non mais la série animée est excellente hein, je vous conseille et elle oui elle est sur Netflix d'ailleurs et je vois d'ailleurs qu'il y a une actrice castée pour ce film là qui jouera dans Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, oui. La fameuse série Marvel, non, exact. Non, film, l'un des prochains films du Marvel Cinematic Universe qui sera sur Disney Plus, non, qui sera Marvel Cinematic Universe avec avec le mandarin. On en a parlé en août de toute façon, mais bon, voilà quoi. Du coup, ça se passera dans le pays fictif de Kumandra, dans lequel 5 clans forment le pays du dragon. Hélas pour eux, les dragons sont partis et les forces obscures se sont emparées de leur pays. Raya part à la recherche du dernier dragon, Sisu. Ça ressemble aussi très fortement à Dragon. Oui. Effectivement. Voilà. Mais bon, toute ressemblance avec un événement réel serait purement totalement fortuite. C'est oui, ça. C'est ça. Du coup, Raya sera doublée par Cassie Steele, qui est l'héroïne adolescente de Degrassi Nouvelle Génération. J'avoue que je ne regarde pas la série, donc je ne connais pas. Oh, c'est formidable. Voilà. Du coup, t'as regardé ? Non, ah. Pas moi. ok. Pas moi. j'ai suivi en 2-2, du coup. Voilà, malheureusement, voilà. Je subis quotidiennement quelques tortures, c'est formidable, j'adore ma vie. Oh, torture. Merci Netflix. Ouais. Du coup, Sisu, le dragon, sera doublé par Awkwafina, donc qui était dans. Ah oui, j'arrive pas à le prononcer. Ouais. Awkwafina, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Ce film sortira sur les écrans en novembre 2020. Donc, dans au cinéma an, et voilà. Non pas sur la plateforme du coup. Oui, on espère hein, quand même. Oh mais je pense que oui oui bien sûr. Oui, c'est pas la fin des Disney aussi. Non non, ils vont pas sortir Frozen 2 sur Disney. Je ne pense pas. Non parce que non. Ce serait bon. Enfin le truc c'est que s'ils l'avaient sorti et que Disney Plus était partout dans le monde, là ça aurait été un bon move marketing. Ah bah c'est mais clair. Si c'est juste aux États-Unis. Non mais sur Disney Plus on aura des séries sur Frozen je pense. Voilà oui oui clairement. Et donc, ce film sera réalisé par Paul Briggs et Dean Wenins, qui feront leur début en réalisation, donc on les a vus nulle part, et écrit par Adèle Lim, qui a fait le film Crazy Rich Asians, et qui a fait d'autres séries, Reigns, Le Destin d'une Reine, L'Arme Fatale, etc. Il a écrit pour ses... Mm-hmm. Voilà. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas travaillé avec Disney auparavant... Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Ce qui est pas plus mal, hein, vraiment du. Ça peut apporter du sang neuf. Du sang neuf, exactement. Ah, moi, ça me botte bien quand même, hein, cette histoire de dragon et. Ouais, ouais. Même si ça fait un peu dragon DreamWorks, mais exactement. Après, j'aime le côté Asie. Et c'est vrai que l'iconographie, l'imagerie asiatique autour des dragons est vachement intéressante. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle et c'est vrai qu'avoir des beaux dragons longilignes, un peu serpents comme ça, ouais, ça peut être très intéressant. Oui, Dragon Dreamworks, c'est plus focalisé sur la vision scandinave. Et puis, les dragons ont des tronches quand même. Oui. Voilà, je veux dire, les dragons de dragons... Ils sont plus rigolos qu'impressionnants. Ouais. Croque-mou est beau, par contre. Ouais. Mais là, je pense que là, on peut avoir affaire à... faut s'attendre plus à du dragon, à la mouchou, mais drôle, mais dans le design, on plus proche, quoi. Exactement. Mm. Et honnêtement, moi, ça me botte pas mal. C'est clairement le genre d'univers que j'aime beaucoup. En même temps, il y a rarement un film d'animation Disney qui nous botte. Oui, voilà, non, mais... Ça n'est pas du tout objectif là-dessus. Bon, moi, je suis toujours un peu déçu. Bon, on en sait rien. Mais on est sûr à 95% que ce sera un film d'animation en 3D. Oui. Je suis toujours un peu déçu qu'on ait abandonné chez Disney l'animation 2D. Parce que, honnêtement, les derniers films qu'ils ont fait en animation 2D, qui sont La Princesse et la Grenouille et le Winnie l'Ourson, qui est sorti en 2011, qui était vraiment bien. L'animation était tellement sublime. Après, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le trait hein, dans La Princesse et la Grenouille. Moi, j'adore, hein, personnellement. Mais après, c'est un trait spécifique aussi. Ah oui, mais, oui. Mais honnêtement... C'est de l'animation 2D, mais très moderne, en fait. Voilà, très actuel. C'est sûr que quand tu regardes... Quand tu le compares à Blanche-Neige. Ouais, à Blanche-Neige ou à La Belle au Bois Dormant, c'est. Oui, bah oui, mais. Qui ont tous les deux des parties pré-artistiques très marquées. C'est vrai que La Princesse et la Grenouille paraissait beaucoup plus. Moins originale, en lycée, fait, dans son animation. Je veux dire plus. Plus lycée, c'est ça. Ouais. Mais ça n'empêchait pas d'avoir des. En termes de couleurs et tout ça, c'est vrai. vraiment très très beau quand même. Oui, et puis il y a toute la scène chantée là. Et les chansons dans ce film sont géniales, je trouve. Elles sont vraiment toutes bien. Ouais. Je l'ai revu récemment avec ma copine là, cet été, et honnêtement, il est toujours. Ah, ça y est, je l'ai enfin en Blu-ray. Ah, ouais, non, mais il est tellement beau. Donc voilà, je disais juste que j'étais un peu déçu qu'on ait abandonné pour l'instant. L'animation 2D chez Disney. Là, ce film, ce sera de l'animation 3D à 95%. C'est sûr. On a vu qu'un concept art en 2D, mais on le sait très bien que ce sera un film en 3D. Et puis, on sait aussi qu'en général, Disney, ils vont pas. S'il y a des, genre des flashbacks, des choses comme ça, ils vont pas la faire à la Kung Fu Panda où on avait toute de l'animation une... en 2D. 2D, ombre chinoise un peu, encre de Chine, tout ça. Ouais. Et eux, non, ils vont. Enfin, voilà, dans La Reine des Neiges, les flashbacks sont en 3D. Oui, avec un filtre bleu, quoi, un peu. Ouais. Quoi, après, c'est super bien réalisé. Ah, mais c'est très bien fait, bien fait, bien sûr. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus, et j'ai pas un problème avec l'animation 3D, c'est juste le fait de l'avoir disparaître totalement. Ça manque un peu, Disney, l'animation 2D. Ça manque un peu. Quand on a grandi avec, en plus. Et je trouve que ça pourrait totalement cohabiter ensemble sans gêner l'un et l'autre, quoi. Ça reste un art tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Clairement. Et puis il y a des séries animées Disney qui se font en 2D. Par exemple la série Réponse ou des choses comme ça. Bah oui, c'est pas hyper joli, mais c'est très sympa en plus. Voilà. Après, il y a Gravity Mickey est toujours le Mickey, en 2D. En 2D. Bon, même si là pour le coup les traits sont. Moi j'aime bien. Pas... Ouais, après moi c'est l'humour qui me fait rire, c'est survolté. Ouais. Mais moi par exemple j'étais très content de revoir toute une séquence en 2D dans le retour de Mary Poppins par exemple. Je ne l'ai pas encore vu, il y a une séquence en 2D du coup. Ah c'est ouais, cool ouais. Ça, c'est bien. Voilà, donc du coup, ce film il me botte beaucoup parce que l'histoire, l'univers, tout ça, ça a l'air génial. En plus, le fait qu'on rajoute du sang, enfin, qu'on ramène du sang neuf chez Disney, moi je suis pas contre, hein, clairement. Donc voilà, on attend d'en savoir plus. On sait pas non plus s'il va y avoir des chansons ou alors si ce sera un film sans chansons, parce que c'est quand même quelque chose d'important chez Disney. C'est possible qu'il y en ait. Après, tout dépend. Ouais. Ça va dépendre du ton, du prix. A priori, ça va quand même être une nouvelle égérie Disney. Je pense qu'ils vont essayer de mettre en place. Ah, pour moi, il y aura des chances. Ce sera pas un Zootopie. Ce sera pas. Non. Voilà. Ouais. Clairement, ce sera plus dans comme c'est base. Enfin, il y aura une héroïne donc. Entre guillemets princesse, même si maintenant c'est plus trop le terme, du coup ça se penche plus vers une comédie musicale Disney comme ils savent le faire très bien. Voilà, en parlant de Disney, oui, il y aura pas comme d'habitude, il y a des news Disney, ah bah forcément, oui, voilà. À l'occasion de la D23, du coup, il y a eu aussi la bande annonce du remake Disney Live, une nouvelle, même, je crois, non? Une nouvelle, oui. Oui, parce qu'il y en avait déjà eu une, il me semble, de La Belle et le Clochard. Ouais, de La Belle et le Clochard, du coup, le remake, le Disney Live La Belle et le Clochard. Ouais. c'est clairement maintenant une catégorie de films, le Disney Live. Ouais. L'adaptation Disney Live. Et du coup, ce qui fait quand même la particularité de ce film, pardon, au-delà du film en lui-même, c'est le fait qu'il sortira uniquement sur Disney+. Déjà. Et qui sera disponible pour les Américains uniquement le 12 novembre, puisque Disney Plus sort le 12 novembre aux États-Unis uniquement pour l'instant, et sachant que la plateforme n'arrivera pas avant 2020 en France. Donc voilà, ça c'est déjà dit. En parlant du film en lui-même, c'est un. L'abondance se révèle quand même que c'est un film qui a l'air très fidèle au film de 1955. Et aussi le fait que les bouches des animaux s'animeront lorsque celles-ci parleront, contrairement au Roi Lion. Et aussi le fait que ce soit de vrais chiens qui ont été utilisés pour les besoins du film et non des images de synthèse, même si j'ai des doutes sur certains plans. Sur certains plans, je pense. Honnêtement, que... je suis quasiment sûr qu'il y a eu besoin d'images de synthèse. Ils n'ont pas mis en danger des chiens juste pour ce film. Non. Voilà. D'autant plus aujourd'hui. Voilà. Non, déjà, ça va être très mal perçu que le film soit fait avec des vrais chiens. Ouais. Je pense. Et, donc, du coup, non, ils vont pas prendre le risque de. D'endommager, c'est horrible de dire ça. De faire mal aux chiens. Mais non, mais en plus, on le veut pas, hein, c'est clair. Enfin, Qui utilise des images de synthèse quand il faut, hein, y a pas de souci. Hein. Je dis pas, faut absolument qu'on utilise le chien tout le temps, même si ça les met en danger. Non, non. C'est pas ce que je dis. Par contre, je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser des vrais animaux pour les séquences un peu plus cool, un peu plus calme de discussion, etc. Y a une scène de course-poursuite dans la bande-annonce. C'est la seule où elle me paraît. Dans le dessin animé, c'est pareil. Ouais, voilà. Il y en a une, oui. Oui. C'est ça, ouais. Et c'est la seule où ça me paraît être du CGI, mais sinon le reste, ça a l'air d'être des vrais chiens. Après, le fait comment ils les ont fait parler, ça, je sais pas vraiment s'ils ont utilisé la technique du Hollywood des années 50, mettre du chewing-gum dans la bouche. Ah, c'est comme ça qu'ils faisaient ? Je crois que c'est ça. Hein. D'accord, ça, je savais pas du tout. C'est comme ça qu'ils faisaient, d'accord. Ouais, pour les vieux films, genre Rintintin. Genre dans... Enfin, non, ah ouais, pas Rintintin, mais je sais pas, mais... Ouais. Dans Babe, je crois qu'ils faisaient manger du chewing-gum... c'est ah horrible. Ouais. Oh, pauvre bête. Il me semble que c'est ça. Hein. Voilà. J'ai déjà entendu ça sur plusieurs films. Et bon, après le reste, pour les faire parler, je sais pas comment ils ont fait. Ça, c'est pas expliqué. Et je pense pas que ce sera expliqué. Ou alors dans des bonus. Mais bon, comme le film sortira que sur Disney+, je sais pas s'il y aura des bonus. Non. M'étonnerait. Voilà. Ou des commentaires audio. Voilà, encore des choses qu'on perd avec le streaming. Oui. Mais moi je trouve que c'est une bonne idée de garder les chiens, et je pense honnêtement qu'ils l'ont fait parce que le roi lion il pouvait le faire, parce que tu vois pas un lion tous les jours, les chiens c'est tu sûr. Les vois tous les jours si t'es autour de chiens, et donc du coup si tu en vois un en CGI, c'est très très difficile de se convaincre que c'est un vrai chien, parce que même les plus réussis n'arrivent pas à mimiquer les expressions que font les vrais chiens. On a bien vu ce que ça donnait avec Garfield. Hein. Oh putain, mais tu me sors Audi, Audi dans Garfield. Ouf, c'était très chaud. Audi, c'est un vrai chien. C'est un vrai chien, oui. En fait, dans Garfield, il n'y a que Garfield qui est en image de synthèse. Qui... Oui, c'est vrai en plus. Ouais. C'était... J'avais en tête Chien contre chat. Un autre film des années 2003. 2003. Comme chien et chat. Oui, comme chien et chat, voilà. Non, ouais. C'était des vrais chiens. C'était des vrais chiens, c'est sûr. Mais la façon dont ils bougeaient et tout, enfin, je sais pas, c'était vraiment étrange. Il y a eu une période comme ça, film, où on n'était pas trop sûr de ce qui se passait. C'est vrai, comme animaux. Chien et chat, avec les chats qui veulent prendre le pouvoir contrôle, sur le monde avec l'herbe à chat. C'est ça. Ah, oui, c'est vrai. Mais quel dos. Mais c'était génial. Ouais, non. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamin. Oui, bien sûr. Mais... Enfin, j'étais plus gamin en 2003. Mais... Ouais, non. Mais bon, non, mais il était quand même. Voilà, il était sympathique, mais c'est pas non plus. C'était avec Jeff Goldblum en plus, c'est il vrai. Il me semble, ouais, il me semble. Ouais. Donc, ouais. Bref, pour reparler de La Belle et la Bête. Et le film est réalisé par Charlie Bean, qui avait fait des films genre Lego Ninjago, le film, les Super Nanas, le film. Il y a eu un film des Super Nanas ? Ouais. D'accord. En 2002, voilà. Mais pas en animé, en version animée. Ah oui, c'est une version longue, quoi. Oui, mais pas une version live, heureusement. non, ne donne pas de mauvaises idées à Hollywood, s'il te plaît. toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces bandes annonces ? Est-ce que tu apprécies déjà La Belle et le Clochard, celui des 1955 ? Alors oui, j'aime beaucoup le film d'animation, que je trouve vraiment très très beau. Honnêtement, je crois que c'est un des plus beaux. Je pense aussi, avec Pinocchio et compagnie, je pense que ça fait vraiment partie de ces films d'animation qui sont très marquants chez Disney, avec La Belle au bois dormant aussi, qui ont vraiment des... Ouais. Et puis le fait qu'ils... Enfin, c'est du 16/9e, je sais pas, du Cinémascope ou... Ouais, je crois que c'est du Cinémascope d'ailleurs. Mais c'est à peu près la même époque que La Belle au bois dormant et tout ça. Voilà, c'est là où vraiment Disney est entré dans l'ère du film moderne, quoi, pour l'époque. Exactement. Et c'est vrai que c'est un beau film d'animation, l'histoire qui fonctionne bien. Je me rappelle bien, encore les flaques d'eau et tout, c'est sublime, hein, les reflets dans les flaques d'eau et tout ça, c'est... À tomber par terre, même aujourd'hui. Puis c'est trop mignon, quoi. Les chiens sont adorables. Tout le monde, je pense, la plupart des gens qui ont un cocker aujourd'hui, combien l'ont appelé Lady si c'est une femelle, c'est sûr, quoi. Et puis, les chansons, toute la thématique sur l'abandon des animaux aussi, parce qu'ils se retrouvent à la fourrière, les chiens errants, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est moins drôle que peut l'être, par exemple, les Aristochats. Oui, clairement. C'est moins funky que les Aristochats. C'est ça. Mais les Aristochats, c'était plus années 60, on était un peu plus... C'est surtout que Disney ne l'a pas supervisé, les Aristochats, parce qu'il n'aimait pas les chats. Et oui. C'est pas pour rien que Mickey est une souris, hein. Oui, bah oui. Mais il n'aimait pas les chats. Et d'ailleurs, les chats dans La Belle et le Clochard sont des saloperies. Oui, c'est vrai. Si et Ham, là, les deux siamois, c'est vraiment deux... Ouais, c'est ceux qui sont restés à la maison, ils sont très riches, etc. Ils sont très bourgeois. Deux siamois absolument horribles veulent manger le poisson rouge, qui montent au rideau, qui veulent faire tomber le bébé. Donc, c'est très manichéen et tout ça. Heureusement, les chats ont une meilleure image aujourd'hui. Oui. On verra comment ça sera. Aristochats 5 ans ou 6 ans plus tard, bien sûr. C'était très bien. Qui était très très bien. Moi, cette bande-annonce, je l'ai bien aimée. Ouais. j'ai trouvé que c'est bon, c'était très mignon. Après, après, je peux pas dire que ça soit un projet que j'attends énormément. Enfin, si c'était le projet qui devait me décider à prendre Disney+, je ne prendrais pas Disney+ pour ça. Oui, non, c'est clair. Voilà. Si honnêtement, c'était ça pour vendre le mais après, j'aime bien le cadre aussi, le cadre Louisiane, Nouvelle-Orléans. Ouais, ouais. Ça, avec, parce qu'il y a toute une scène avec, sur un bateau à aube, apparemment, ça c'est génial. Oui, oui, c'est... Ouais, ouais. Donc voilà, j'attends. Non, c'est vrai que l'ambiance est sympa. Ouais. Ah oui, oui. Je pense que. Enfin, je le verrai sûrement avec plaisir. Mm. Après, j'ai toujours un peu de mal avec les. Quand je revois les 101 Dalmatiens en film, ou les 102 même, quitte à faire les choses bien, j'ai... Ou le 102, oh là là, ah, il est dur celui-là. Avec Jean, avec Gérard Depardieu. Ah, oh là là. Oh moi, là je trouve là. Glenn Close tellement génial, en fait, en Cruella. Que... Et oui, non, ça, c'est le seul point positif du film, je trouve. Et les petits shows qui sont mignons. Non, bah oui, hein. Les bébés dalmatiens, franchement, c'est adorable, et du coup, c'est des films qui datent des années 90-2000, donc ça passait encore. En 2019, je suis moins convaincu par le... Ah, le fait d'utiliser de vrais chiens, en fait, il y va avoir quelque chose d'assez old school. Ouais. Qui, je sais pas si ça me plaira. C'est, je suis. T'es partagé. Je suis assez curieux. Après, il y a quand même un casting vocal intéressant en plus. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura la possibilité de les voir en VO en plus. Oui, c'est ça. Vu que ce sera sur Disney+. Directement. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Parce qu'il y a quand même Tessa Thompson qui fait Lady. Et Justin Theroux qui fait Clochard, donc ça c'est bien. Ouais. Bah voilà, moi je suis curieux. Curieux, oui. Intrigué quand même. Voilà, c'est ça. Mais pas non plus excité à l'idée de voir ce film. Non, mais c'est clairement pas. En fait, le truc c'est que c'est pas un Disney Live que j'attendais. Au cinéma, en fait, je pense que tout le monde se serait foutu de leur gueule. Clairement. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils le sortent sur Disney Plus, parce que ça a plus l'air d'être intéressant. Mais par contre, qu'ils me sortent pas Atlantide sur Disney Plus. Hein. Ah non. Ah non, là, ça je le veux au cinéma. Non, et... non. Honnêtement, ouais, s'ils le font, il faut qu'ils mettent le budget. Hein, parce que Non, Atlantide. Sinon, ça vaut même pas la peine de le faire. Hein. Mais à mon avis, ce sera certainement sur Disney Plus, parce que. Qu'après, voilà, peut-être qu'ils sont peut-être conscients quand même de la popularité qu'a le film aujourd'hui. Mmh. Oui, bah oui, c'est clair. Voilà, moi honnêtement je suis aussi curieux. Je trouve que le fait d'utiliser des animaux, je suis vraiment en fait je suis impressionné par le fait qu'ils le fassent vraiment, parce que c'est des trucs qui se font plus depuis les années 2000, quoi. Depuis que les images de synthèse sont depuis Life of Pi, quoi, depuis qu'on a vu que ça va, les images de synthèse, on peut clairement le faire et il n'y a pas trop de soucis. Mais comme j'ai dit au début, pour moi, il y a toujours des problèmes avec les animaux qu'on côtoie de façon journalière, c'est-à-dire les chiens, les chats. C'est toujours compliqué. Les animaux domestiques, c'est vrai De les rendre crédibles. Mais même plus loin, les vaches, les chevaux, les cochons, les poules, tout ça, enfin, on le voit quand c'est pas vrai, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors que un lion ou un tigre, si c'est un peu mal fait, ça passe toujours un peu, parce que on les voit pas tous les jours, sauf si vous travaillez dans un zoo. C'est sûr. Et là, du coup, c'est plus emmerdant. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà. Non, là, le film, moi, j'adore. Honnêtement, La Belle et le Clochard, 1955, c'est, comme j'ai dit, c'est un des plus beaux Disney, visuellement. Pour moi, c'est même plus ça qui m'a marqué que le scénario en lui-même, parce que le scénario est très mannequin, comme tu as dit. Mais après, c'est pas un défaut, hein, honnêtement. Non, bah après, voilà. On va pas leur en vouloir d'avoir fait un film mannequin en 1955. Voilà, exactement. Clairement. et puis ça transmet de bons messages, genre de pas abandonner vos animaux, etc. C'est toujours un message d'actualité qui est toujours bien de répéter. Je suis curieux. Visuellement, il a pas l'air dégueu non plus, hein, et puis l'univers a l'air sympa. Donc pourquoi pas. On verra bien ce que ça donnera. Si j'arrive à avoir Disney Plus d'ici le 12 novembre via des moyens détournés, je vous en parlerai dans le podcast. Si ce n'est pas le cas, ben faudra attendre 2020. Comme tout le monde en France, voilà. Ou alors se le taper en torrent. Parce que je suis sûr qu'il va être... ah bah très très rapidement, oui. Dès qu'il va sortir, voilà. Donc, c'est le choix qu'il faudra faire. Passons à la suite avec une bande-annonce de Lucy in the Sky, un nouveau film du coup qui se passe dans l'espace. Donc cette année, on a eu droit à Ad Astra et Proxima. Proxima qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Oui, parce que ça ne me parle pas encore. C'est un film avec Eva Green et Matt Dillon. Voilà. Donc, aussi. Mais si, il me semble, oui. Proxima, tu dis ? Ouais, Proxima. Si, il me semble que je. Voilà. Oui, si, j'ai dû en entendre parler. Ouais, donc il sort le 27 novembre, celui-là, Proxima, 2019. Ça sortira bientôt. Ad Astra est déjà sorti, je ne l'ai pas vu et il n'y a que des séances à 21h20 et j'ai pas envie d'aller au cinéma à 21h20. Alors pour le coup, les avis sont très partagés quand même. Voilà. Morgan a dit que c'était quasiment un chef-d'œuvre. Voilà, il est pour moi il est un peu biaisé sur le film d'espace. Morgan, oui, c'est vrai. Morgan, tu lui fous un vaisseau, des étoiles, il est content quoi. Après, sachant que Interstellar, il aime pas non plus hein, donc c'est si c'est il aime. Ah si, ça y est. Si il a fait son mea culpa. OK. D'accord. Non, c'est toujours Django hein, qu'il n'aime pas hein, Non, il aime même la ligne rouge maintenant aussi. Ouais, ben voilà, donc peut-être que Django un jour. Même 2001, il aime, il me semble. Ouais. Donc ouais, voilà. Non, ouais, il a fait tous ses mea culpa sur les films d'espace depuis. Non, c'est bien, Morgan, c'est bien. Ouais. Continue, tu es sur la bonne voie. Mais il faut toujours que tu vois le retour du roi, hein, quand même. Hein. Oui, bon, bah. Toujours. Je pense qu'on va entamer une nouvelle décennie sans avoir vu le retour du roi pour Morgan. C'est fort probable. Ouais, c'est fort probable. voilà, je voulais parler de l'abondance de Lucy in the Sky, un nouveau film du coup d'espace. C'est devenu un genre. Clairement, oui. Voilà. Réalisé par... il est où son nom ? Je le trouve plus. Noah Hawley, pardon, voilà. Qui est créateur des séries Fargo et Légion, qui étaient sur les X-Men. Des séries, je n'ai pas vu, mais Fargo, ça a eu des... Enfin, les retours sont incroyables. Ah oui, oui. Voilà, et Légion, j'avais pas eu des retours, mais visuellement, ça avait l'air d'être quelque chose de plutôt sympa. Et là, on le retrouve un peu aussi dans un univers. On sent qu'il a une vision de réalisateur et que visuellement, la bande-annonce, elle claque vraiment, je trouve. Au casting, pardon, on retrouve Nathalie Portman incarne la. Enfin, c'est librement adapté de la vie de l'astronaute Lisa Nowak, qui a eu des troubles consécutifs, du coup, à son retour sur Terre à l'issue de la mission STS-121 en 2006. On retrouve aussi au casting John Hamm, Zazie Beetz ou encore Dan Stevens. Et le film sortira en France le 18 mars 2020. Du coup, ça se focalise principalement. Il y aura des scènes, il s'est montré, il y a des scènes dans l'espace, etc. Mais ça se focalisera surtout sur le retour sur Terre, justement, et les conséquences d'un voyage dans l'espace sur l'esprit humain et surtout sur l'esprit de Lisa Nowak, qui est interprétée par Nathalie Portman. Déjà, le propos m'intéresse vraiment. Comment on est affecté parce que tous les grands films d'espace, etc., on montre toujours la mission dans l'espace. Et après, sur Terre, c'est 5 minutes à la fin et tout le monde est content. Mais le fait est que les astronautes, ceux qui sont restés longtemps dans l'espace, physiquement, ils ressentent des choses qui sont connues que d'eux, puisque il y a le fait de ne plus avoir la gravité terrestre qui vous retient sur Terre littéralement tout le temps, ça fait quelque chose à vos organes, à votre circulation sanguine, etc. Bon, je suis pas un médecin, hein, mais c'est ce que j'ai lu. Oui, ça a des incidences. Voilà, ça a des incidences sur... Et puis aussi sur le mental, aussi, clairement. Psychologiquement, c'est quand même quelque chose qui doit pas être facile à vivre. Et donc là, ce film s'attarde sur ce point, enfin sur ces questions-là. Et moi, je suis très très intéressé de voir ce film, notamment aussi parce que visuellement, ça a l'air de claquer. Honnêtement, ah oui, c'est vraiment, enfin, on sent qu'il a une, comme j'ai dit, il a une vision de réalisateur et il va au bout. C'est pas des plans que vous avez vus pendant, enfin que vous avez vus dans 3000 films avant. Là, c'est clairement des trucs qui sont, enfin, des plans réfléchis, une mise en scène réfléchie. Ça a l'air réfléchi d'après l'abondance de 2 minutes 35 qu'on a pu voir. Mais voilà, c'est beau visuellement. Les acteurs, bon, Nathalie Portman qui sort sa plus belle Mireille d'Arc. pas Mireille d'Arc. Mince. Ah oui, sa coupe de cheveux. Mathieu, là. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, voilà. Sa plus belle Mireille Mathieu avec sa coupe de cheveux. Ça sera pas son meilleur look capillaire. La coupe au bol, magnifique. Ouais. Non, mais voilà. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu la première fois, la bande-annonce. Mais sinon, voilà. Moi, les acteurs, John Hamm, j'aime beaucoup. Nathalie Portman aussi. Et donc, je suis très, très curieux de voir ce que pourrait donner ce film. Surtout que c'est une première réalisation. Et c'est toujours très intéressant de voir des premières réalisations, surtout sur un film aussi de grosse envergure comme ça. C'est ambitieux, oui. C'est ambitieux pour une première réalisation, bon, sachant qu'il a créé quand même deux séries qui sont à succès, enfin au moins pour Fargo, Légion, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, ça s'est arrêté, mais il y a eu deux ou trois saisons, je crois. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette bande-annonce ? Est-ce que tu es curieux de voir ce film ? Oui, assez quand même, parce que j'aime bien Nathalie Portman dans des rôles de composition comme ça. Ouais. J'ai revu, en plus, j'ai revu Black Swan il n'y a pas longtemps. Et, Moi, je vais le revoir très prochainement. C'est assez dingue, et, quand même. Et du coup, oui, parce que le sujet est intéressant. Et puis, c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un film sur l'espace non plus. Ouais. C'est un point de départ. C'est ça. Pour voilà. Pour aller plus loin, quoi. Et je pense que ça va vraiment plus être traité comme un film dramatique que comme un. Dans un sens, Gravity par exemple était un film dramatique aussi. Ouais. Mais le point d'urgence. C'était un survival, quoi. Voilà, c'est ça, clairement. Sur une petite poignée d'heures, quoi. C'est ça. C'est ce qui les afforce, hein, d'ailleurs. Oui. Là, clairement, on est sur un parti pris et un point de vue différent. Mm-hmm. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Ouais. Sachant que First Man faisait aussi ça, mais c'était dans le sens inverse. C'est-à-dire que on avait une partie dramatique qui faisait 1h, 1h30, et puis après, les 30-40 dernières minutes étaient principalement sur le voyage spatial. C'est ça. C'était plutôt intéressant aussi. Moi, je suis curieux de voir ce parti pris dans Lucy in the Sky. Voilà. Donc voilà, honnêtement, bonne petite surprise et petite attente pour 2020. Voilà. On parle de choses qui... On n'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression. C'est vraiment... DC Comics, c'est un peu la blague à chaque podcast. C'est un peu... Il y a un nouveau scénariste, un nouveau réalisateur qui s'est barré. Légèrement, oui. Voilà. Donc, là, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est concernant le film Flash. Encore et ça... Voilà, encore. Flashpoint. Exactement. Annoncé en 2014, hein, je vous rappelle quand même. Il y a 7 ans. Ce projet a changé 3 fois de réalisateur et 8 fois de scénariste. C'est ouais, quand c'est même... C'est assez énorme, hein, quand même. D'ailleurs, il n'est pas clair si l'histoire est prête. La dernière version a été signée par Christina Hodson, qui a fait Birds of Prey. L'annonce, ok, c'est... d'accord. Ouais, voilà. L'annonce, c'est que... Andy Muschietti, du coup, qui, après avoir réalisé avec succès public les deux épisodes de Ça ou It, le dernier est sorti récemment, a confirmé du coup à Fandango, donc un site web, que son prochain film serait The Flash, le film DC Comics qui a été longtemps repoussé. il a dit que ce qui fascine dans Flash, c'est le drame humain qu'il renferme, les émotions et les sentiments humains qui s'y jouent. Ça va aussi être un film amusant. Il peut pas promettre qu'il n'y aura pas un peu d'horreur, mais c'est une belle histoire humaine. Voilà, c'est ce qui, ça coûte. Je suis pas vraiment sûr que Warner soit très concerné par, l'humanité du personnage de Flash, mais bon. Ouais, je pense qu'il préfère sortir un film. Tant pis si... enfin, voilà. Du coup, le film est encore classé en développement et la pré-production n'a pas encore commencé. Du coup, il n'y a pas encore de date de sortie, bien sûr. Hein. Seul Ezra Miller est impliqué depuis le début dans ce projet, le pauvre. Hein. Quand même, on envoie un peu de sympathie vers lui, parce que ça ne doit pas être facile d'avoir eu 8 scénarios différents qui se sont fait annuler au fur et à mesure. Ou alors le mec va péter un câble, je pense. Ouais, non, mais c'est... je pense aussi. Donc voilà, Andy Muschietti pour The Flash, si ça se fait, s'il quitte pas le projet et devient le quatrième réalisateur à partir du projet, et là, franchement, c'est que ça... honnêtement, ça sent vraiment très très mauvais et qu'il ferait mieux d'annuler le film au lieu de, d'essayer de ressusciter un cadavre qui veut mourir à tout prix. qu'est-ce que t'en penses du coup, Andy Muschietti, pour The Flash? Oh bah écoute, je ne sais plus. Hein. J'ai un peu lâché DC Comics là, donc... Ouais. Malheureusement, hein. Mais bon, c'est la faute de Warner. Hein, si j'ai lâché. Ah oui, non, mais c'est clairement de leur faute. Hein. Ils savent pas organiser des films. Hein. C'est... Non, c'est ça. Quand on sait pas gérer un univers partagé, on ne le fait pas. Hein. Et, et du coup, non. Bah, si ça se fait, c'est bien. Si ça ne se fait pas, tant pis. Tant pis. Voilà. Mais ouais, moi, je serais curieux. Surtout qu'Andy Muschietti, c'est clairement un réalisateur qui a. Il est très inspiré des années 80. Ah oui, ouais, il suffit de voir ça. Mais bon, le truc c'est ça, c'est que le premier ça, forcément. Ouais, bien on sûr. On est dans les années. Dans les années 80. Mais au niveau de sa réalisation, etc. Et le fait qu'il ait cette vision un peu. Enfin. Moi, j'aimerais bien le voir sur. Sur The Flash, si ce film se fait. Après, c'est pas non plus le film où je vais être super emballé s'il se fait ou s'il se fait pas, je m'en fiche un peu, clairement. Après, Flash, c'est pas un personnage qui me touche particulièrement. J'avais regardé la première saison de la série de la CW, il me semble. Ah oui. Qui était pas mal, qui valait le coup. Mais après, j'ai pas regardé la suite, sachant que la saison 1 se finit sur un gros cliffhanger et ça m'a même pas donné. Enfin, même si la série est correcte. Mais ça se poursuit toujours, la série. Oui, il y a encore. Hein, c'est comme Arrow qui a sa 8e ou 9e saison. Enfin, bon, j'ai lâché l'affaire depuis longtemps. Mais bon, ça continue, ça fonctionne. Donc, voilà. En tout cas, ça a l'air de mieux fonctionner en série télé, en format sérialisé, qu'en film dans cet univers d'ici qui crie un peu au secours. Hein. Il n'y a que Wonder Woman 84 qui a l'air d'être en bonne voie. Ouais. Bon, puis il y a un potentiel Aquaman 2, apparemment. Ouais, voilà. Mais à part ça, c'est pas joli. C'est pas folichon, non, c'est clair. Ouais. Puis bah si, le Batman, quand même, de Matt Reeves. Non, de Matt Reeves avec Robert Pattinson et la fille de Lenny Kravitz. Ouais, Zoé Kravitz qui jouera Catwoman. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Pourquoi pas. Là, ça commence un peu, je trouve, à avoir de l'allure. Mais bon, ça va être incompréhensible, quoi. Ouais. Le truc, c'est qu'on critique DC alors qu'ils ont fait un des plus gros succès, là, actuellement, avec Joker. Même si ça fait pas partie vraiment de l'univers. C'est ça. Enfin, déjà, je pense que les gens sont paumés, ils comprennent pas trop, là. Ah bah non. Le public lambda qui s'intéresse pas forcément au truc... doit pas vraiment capter, mais c'était pas lui dans Suicide Squad. Ah ouais, non, mais c'est enfin, voilà. c'est clairement incompréhensible. Mais oui. Et c'est tu peux même pas en vouloir aux gens, hein, parce que clairement. Là, honnêtement, rien, c'est même pas qu'ils font pas un effort hein, pour pas comprendre. C'est clair. C'est. Faut avoir suivi vraiment depuis le début et pas avoir lâché l'affaire pour comprendre tout ce qui se passe. Hein. Clairement. Voilà, passons à la suite avec une nouvelle qui me réjouit particulièrement. C'est un nouveau film de Richard Linklater qui est connu pour avoir fait par exemple la trilogie des Before ou Boyhood notamment. d'autres films aussi qui sont très bien. Mm-hmm. Et du coup, il a mis 12 ans à tourner Boyhood, ça on n'a pas arrêté de le rappeler en parlant de Boyhood. Et là, il veut lancer il prépare un nouveau long métrage qu'il mettra 20 ans à tourner, il a dit Hollywood Reporter. Et cette adaptation, ce projet, c'est une adaptation de la comédie musicale Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim. Pour remettre un peu dans le contexte, Stephen Sondheim, c'est un peu, pour faire une analogie un peu bizarre et un peu cinématographique, c'est un peu le Stanley Kubrick de la comédie musicale, c'est-à-dire que c'est un gars extrêmement talentueux, mais qui n'est pas non plus au niveau d'un Steven Spielberg, quoi, de quelqu'un qui a le succès à fond, comment dire. C'est un peu un génie, mais qui est caché et qui n'est pas sur le devant de la scène, voilà. Pour faire une analogie un peu bizarre. Mais cette comédie musicale suit la vie de Franklin Shepard, un talentueux compositeur de comédie musicale à Broadway, qui va abandonner ses amis et sa carrière pour devenir producteur de films à Hollywood. L'intrigue débute au moment où Franklin Shepard est au sommet de sa popularité à Hollywood et retrace les moments importants de sa vie à travers des flashbacks. Des premiers noms ont déjà été annoncés pour cette comédie musicale produite par Blumhouse. Donc déjà, ça c'est bizarre. Comédie musicale produite par Blumhouse. Oui, il y a des trucs improbables quand même. Voilà, pourquoi pas. Donc Blake Jenner, qui était dans Glee apparemment, incarnera Franklin Shepard. Et Binnie Feldstein, qui était dans Lady Bird et Booksmart, campera son ami Mary Flynn, qui est critique de théâtre. Ben Platt, qui a été vu dans Pitch Perfect, et dans la série The Politician sur Netflix, rejoint également le casting. Donc voilà, j'aime bien sur la news hallucinée, ils disent rendez-vous pris pour 2039. du coup, voilà. Le fait que Richard Linklater se lance dans un film qui est quand même... est-ce que ça va devenir un gimmick de réalisation, je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Moi je suis très très curieux, très très curieux. Faut pas être impatient par contre. Faut pas être impatient, honnêtement. On en parlera dans Movies Nerd numéro 552. Ouais, c'est ça. en tout cas voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es curieux de voir ça? Je sais pas. Ouais. Bah forcément c'est intriguant quand même, parce que bon. Enfin, on a bien vu ce que ça donnait avec Boyhood, hein, 12 ans, ouais. Il y avait quelque chose quoi, qui fonctionnait quand même dans le film, c'était en termes de cohérence et de crédibilité pour les personnages, et puis même pour les contextes d'époque à chaque fois, ouais. C'est vrai que ça fonctionnait super bien. Après, est-ce que la comédie musicale s'y prête? C'est ça le truc. Ouais, je sais pas, parce que... Après, j'ai pas vu cette comédie musicale. C'est une des seules que je n'ai pas vu de Stephen Sondheim, que je n'ai pas écouté ou vu, pardon. Moi, je le vois bien, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui se passe à travers des flashbacks. Et du coup, pourquoi pas? Après, honnêtement, c'est une entreprise très risquée. Ah oui, parce oui. Que, déjà 12 ans pour Boyhood, c'était... Enfin, même faire un film sur 5 ans, c'est un truc risqué. Donc, faire un film sur 20 ans, ça paraît... Il y a tellement de choses qui peuvent aller mal que le fait que ça se passe bien semble impossible. Et pourtant, ça s'est passé pour Boyhood, avec la chance. Donc, on verra si... Et puis même pour Before, pour la trilogie Before, c'était toujours les mêmes acteurs qui étaient derrière. Ethan Hawke et Julie Delpy. Voilà, pourquoi pas, honnêtement. Moi je suis très très curieux de voir ça, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Honnêtement, on peut pas en dire grand chose, hein, on en sait pas plus, mais c'est très très intriguant. Et Richard Linklater, je sais pas quel âge il aura dans 20 ans. C'est ça aussi le truc, quoi. C'est, j'espère que lui il a 59 ans actuellement. C'est donc ça. Il aurait 80 ans. Quasiment 80 ans quand le film sortira. Moi j'ai des doutes, voilà. J'espère pour lui qu'il lui arrivera pas de bricole d'ici là, quoi. Moi c'est aussi ça, honnêtement, et puis qu'il puisse, enfin après Boyhood c'était pas non plus comme il, quand, quand il l'a quand, enfin quand il le filmait, ça a pas non plus pris 12 ans littéralement à filmer. Non, c'était 15 c'était, jours par-ci, voilà, par, c'était 15 par jours an, par quoi. Là, etc. C'était un, ce qu'il disait dans le making-of, je crois, c'était un peu comme aller en camp de vacances pour les acteurs. C'est ça. Ils y allaient 15 jours chaque année, et puis voilà, retour dans un an, quoi. Donc, ouais, on verra bien ce que ça donnera, et on espère qu'il peut faire, enfin, il fera de toute façon d'autres films sur le côté. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, voilà. Ensuite, une nouvelle plutôt intéressante. Moi, ce qui m'a intéressé plus dans cette actualité, c'était que le sujet du prochain film de Terrence Malick, du coup, pas le fait qu'un... la news annonce que, du coup, Mark Rylance rejoindrait le casting du prochain Terrence Malick, même si c'est un très bon acteur que j'apprécie particulièrement. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cette news. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que Terrence Malick, dans son prochain film qui pour l'instant s'appelle The Last Planet, va faire un film sur Jésus, oui. Voilà, et son apôtre Pierre, et qui aura Satan, qui est joué par Mark Rylance. Et du coup, Jésus sera incarné par Geza Rohrig, qui était dans Le Fils de Saul. Et Matthias Schoenaerts. Matthias Schoenaerts, ouais. Schoenaerts, qui devrait jouer Pierre, du coup. D'accord. Voilà, on sait qu'il y aurait apparemment 4 versions du personnage de Satan qui seraient toutes jouées par Mark Rylance. Là, c'est les seules infos qu'on a, et pour moi, c'est quand même. Honnêtement, je suis très, très, très, très, très curieux. C'est surprenant. Hein. C'est très surprenant. Et honnêtement, à chaque fois, il arrive à nous surprendre avec ses projets. Déjà, avoir fait un film sur la naissance de l'humanité et son évolution, c'était un truc de fou. Enfin, moi, je. Voilà. Et le fait qu'il s'attaque à cette histoire, sachant que Terrence Malick est quand même un réalisateur, enfin, toi, t'en parleras mieux que moi, mais de ce que j'en sais, il est assez croyant. Et il en parle. Il croit à quelque chose, et c'est voilà, surtout que la croyance, pas forcément la religion, en tout cas la croyance à quelque chose d'important pour lui et dans son cinéma. C'est ça. Ouais. C'est un des leitmotivs de son art, en fait, surtout. Que, il n'est pas forcément. Il n'est pas dans une propagande pro-cato, même si forcément. Lui, il fait des choses personnelles, donc il prend toujours l'exemple de la religion catholique. Mais l'idée derrière, c'est surtout que l'homme, en fait, a besoin de croire pour exister aussi. C'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est intéressant, en fait, de le voir. Ce sera pas une propagande, en fait. C'est ça qui est intéressant. Non. Et c'est ça qui suscite l'intérêt du film pour moi, en tout cas, parce que honnêtement, une propagande sur Jésus, je m'en fiche un peu, mais le fait que ce soit Terrence Malick qui s'attaque à cette figure, en fait, et voilà, moi ça me rend dingue, et j'ai juste envie de voir ce film, ce que ça peut donner, parce que même visuellement j'arrive pas à l'imaginer, quoi. Même visuellement je vois pas comment il peut faire, comment il peut mettre en image Satan, Jésus, etc. Enfin, ça me rend, je sais pas comment il peut faire, quoi. C'est très particulier, effectivement. Sachant que son prochain film est quand même un peu plus va plus droit au but, et on voyait un peu ce que c'est, avec Une vie cachée qui sortira le 11 décembre, et je suis très très impatient de le voir, et j'espère que je pourrai le voir au cinéma. Là, c'est plus quelque chose de très métaphysique, c'est vraiment c'est curieux, c'est honnêtement très curieux. Et toi, est-ce que ça t'intéresserait de voir sur une thématique comme ça, oui. Ouais. De le voir là-dessus, ok. Parce que là, je sais d'avance qu'Une vie cachée, je pourrais pas le voir. Ouais. Il passera pas du tout chez moi, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'espère en croisant les doigts qu'il passera chez moi, mais c'est pas sûr non plus. Voilà. Non, c'est clair que ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant. Voilà, donc on va passer à la prochaine news concernant le prochain film de Woody Allen. Du coup, Un jour de pluie à New York, il est encore Il joue encore dans quelques cinémas, donc c'est. Je vais vous faire ma review en 2-2 parce que je l'avais fait pour le podcast Maudit. Mais c'est pas le meilleur Woody Allen. Il y a des choses très intéressantes, surtout visuellement. Mais je trouve que, enfin, comme dans chaque film Woody Allen, il y a toujours quelque chose d'intéressant à retenir. Et aussi, n'y allez surtout pas. Si c'est votre premier Woody Allen, n'y allez pas en vous disant « Ah, ben, je vais découvrir Woody Allen avec ce film parce que vous allez totalement passer à côté de plein de choses et aussi ben, vous allez trouver ça incompréhensible et, parce qu'il fait beaucoup... Enfin, c'est extrêmement référencé à lui-même et à d'autres choses qu'il a abordées dans ses films précédents. Et du coup, c'est très compliqué si on n'est pas un minimum, on n'a pas vu un minimum de films de Woody Allen pour se dire ah oui d'accord je vois ce qu'il veut dire par là. Enfin voilà, sinon ça paraît complètement incompréhensible. Je prends un exemple, ma copine qui c'était le premier Woody Allen qu'elle a vu, elle a rien compris, elle est passée totalement à côté, elle a détesté. Et moi je lui dis non t'inquiète c'est pas ça Woody Allen, c'est parce que là honnêtement le personnage principal il passe juste pour un gros con. Et la personne, et sa copine passe pour une grosse conne aussi. non, mais clairement, littéralement, parce que il l'a fait passer pour la pire des idiotes, alors que clairement, il y a quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose derrière qui se ressent uniquement si on a l'habitude de voir des films de Woody Allen. Voilà. Donc c'était ma critique très très rapide et il y a plein d'autres choses à dire dessus mais je ne dirai pas plus. Allez le voir si vous avez déjà vu des films de Woody Allen, vous apprécierez sûrement, même si c'est clairement pas son meilleur. Par contre visuellement c'est sublime. Donc son prochain film, son 52e film, s'intitulera Rifkin's Festival. Il s'agit d'une comédie romantique avec l'art cinématographique en toile de fond. Ça c'est cool. Ouais, puisqu'on y suivra les pérégrinations d'un couple d'Américains se rendant au festival de San Sébastien et se laissant happer par sa magie, la beauté et le charme de l'Espagne, puisque ça se passera en Espagne plus d'une décennie après Vicky Cristina Barcelona. Woody Allen revient en Espagne. Ah oui, qui était bien. Qui était, ouais, franchement. J'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Pour moi, ça fait quand même partie des Woody Allen mineurs, mais ça reste. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, mais il est sympa, quoi. Il est sympa. Mm. Il est un peu long par un certain moment, je trouve. Voilà. Mais sinon, c'est très bien. Et du coup, ce couple va se rendre à ce festival de cinéma et se laissant happer par la magie, la beauté, les charmes de l'Espagne et la fantaisie des films, tandis que Madame a une relation avec un talentueux réalisateur français. Monsieur fait de même avec une Espagnole qui vit sur place. Voilà. Bon, ça reste du film de Woody Allen. Hein. C'est très, c'est très centré sur le couple, l'amour extra-conjugal, tout ce genre de choses. Du coup, on retrouve dans les rôles principaux Christoph Waltz et Gina Gerson, qui incarneront le couple d'Américains. Le rôle de la maîtresse et de l'amant seront quant à eux respectivement tenus par l'Espagnole Elena Anaya, qui avait joué dans La Piel que habito. Excellent film. Que je n'ai pas vu et que je veux voir absolument. Ah, qui est très très très bien. Un des meilleurs Almodovar, il me semble. Donc, c'est ça. Voilà. Et le français Louis Garrel, du coup, qui jouera le réalisateur français. D'accord. Okay. Oh, donc, oui. Voilà. Un nouveau film de Woody Allen en Espagne. Moi, je suis. Sachant que Un jour depuis à New York, ça annonçait quand même quelque chose. Le retour de Woody Allen à New York, et finalement, il prend le contre-pied de tout. Et il a fait juste un petit film à New York, et hop, il repart en Europe. pour. Surtout, on se dit, il ne s'arrêtera jamais, en fait. Bah, ouais, honnêtement, il y a dans la news Allociné, il y a son interview avec Allociné, justement. Et honnêtement, c'est bien de le voir comme ça. Il est encore. On voit encore de. Comment dire, la flamme dans ses yeux, on sent qu'il est encore passionné et tout, mais ça fait un peu de mal de le voir aussi un peu, parce qu'on l'a pas vu au cinéma devant la caméra depuis depuis un petit moment déjà, et là de le revoir c'est un peu compliqué quoi, surtout comme moi on s'est tapé, enfin on s'est regardé pas mal de ses films des années 80, 70, etc., où il était encore super énergique, super enfin voilà, super énergique et avec une je sais pas quoi dire, mais bref, voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur de voir cette interview, voilà, pour dire ça, mais en tout cas ce film m'intéresse pas mal. Je suis toujours curieux de voir ce qui peut en sortir. Voilà, je pourrais pas en dire plus parce qu'on n'a pas vu de bande annonce ni rien, mais le fait que ça s'intéresse aussi au cinéma en toile de fond, ce qui était déjà le cas aussi dans un jour de pluie à New York, et il critiquait d'ailleurs pas mal de choses dans ce film. Donc voilà, moi je suis assez curieux de voir ça, surtout sur cette toile de fond, Espagne plus cinéma, ça peut être vraiment cool. Eddie, toi, t'es curieux? Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, j'ai pas vraiment de Woody Allen que j'attends. Ouais. Quand je tombe dessus, tiens, voilà, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je comprends. Après, le problème, c'est qu'avec les pitchs, c'est toujours compliqué d'attendre un Woody Allen. Quoi. C'est ça. Souvent, c'est une bande-annonce, moi, qui va me décider sur un Woody Allen. C'est ça. C'est mais il y a des Woody Allen que j'ai beaucoup attendu, hein, genre To Rome With Love, par exemple, que j'avais très envie de voir. Ouais. Parce que j'avais envie de voir Woody Allen filmer à Rome. Ouais. Rome. Ouais. Et bon, le film n'était pas excellent, mais j'avais trouvé ça sympa. Après, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Café Society, par exemple, je trouvais très bien. Ouais, Café Society. Et il y en a d'autres qui m'ont déçu alors que je les attendais, genre Blue Jasmine, par exemple. Ouais, Blue Jasmine, ouais, c'est pas son plus mauvais, je trouve. Non, mais pas un de ceux qui m'a le plus. Il n'y a pas vraiment de mauvais film de Woody Allen, personnellement, que j'ai vu. Ouais, c'est clairement Blue Jasmine, ça reste dans ces films assez mineurs, quoi. Ouais. Voilà, passons à la suite avec une news qui raffolera tout le monde. Du coup, le producteur Kevin Feige, qui est connu pour avoir créé l'univers cinématographique Marvel, va mettre ses compétences à profit de la saga Star Wars. Le coprésident de Disney, Alan Horn, qui déclare vouloir une nouvelle ère dans le storytelling Star Wars, et sachant que le fan hardcore Kevin Feige, cela fait sens de réunir ces deux producteurs sur un film Star Wars. Il dit ces deux producteurs puisqu'il va être il va produire le film avec Kathleen Kennedy, qui est la présidente de Lucasfilm, justement, donc qui chapeautait jusque là tous les films Star Wars. Donc on ignore encore sur lequel film ils vont travailler ensemble, parce qu'il y a des films qui sont calés à 2022, 2024, 2026. Rian Johnson qui prépare une trilogie, et les créateurs de Game of Thrones qui écrivent un film d'une autre trilogie. Donc on ne sait pas sur lequel ils vont travailler, si c'est un de ceux-là ou si ce sera complètement à côté aussi. Cette incursion de Feige dans l'univers Star Wars ne l'empêchera pas, a priori, de porter la phase 4 de l'univers Marvel, ainsi que l'arrivée des mutants dans les MCU suite au rachat de la Fox par Disney. Par ailleurs, Feige supervise les séries dérivées des films comme What If ou encore Loki. Dernière chose avant qu'on passe à notre avis, il y a marqué dans la news, en mai dernier, du coup, Kathleen Kennedy a déclaré que l'univers Star Wars ne se gère pas comme le Marvel Cinematic Universe et que Star Wars ne doit pas être traité comme une production industrielle, entre guillemets. Pourtant, la voici quand même désormais obligée de travailler avec Feige, qui lui apportera sans doute l'expertise qu'elle redoutait. Donc voilà, Kevin Feige, très très grand fan de Star Wars. Architecte de la manière Marvel du Marvel Cinematic Universe donc qu'est-ce que ça te dit, ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour Star Wars ou pas? Alors c'est une bonne chose que Star Wars se diversifie, enfin qu'on n'arrête pas l'univers Star Wars parce que la saga Skywalker s'arrête. C'est ça. C'est un fait. Mais je veux dire, c'est pas une mauvaise chose qu'on continue d'étoffer finalement l'univers Star Wars, parce que c'est un univers qui a beaucoup de choses à offrir au-delà des Skywalker. Donc ça c'est bien. On arrête de parler des Skywalker. Et par contre voilà, c'est vrai que les Skywalker, bon bah voilà, je pense que 9 films c'est bien. Ouais, bah, ça va. C'est une bonne moyenne quand même. Maintenant, faut voir si ça va être bien fait, si ça va être intéressant, s'ils vont arriver à créer. En fait, ce qui va être très dur, c'est ça va être de voir s'ils arrivent à créer des nouveaux personnages auxquels les gens vont s'attacher, des personnages en sachant que ces personnages-là ne seront pas forcément des Jedi. Mm. Voilà. Et ça, c'est ce qui va aussi, dans un sens, permettre de montrer si déjà le public de Star Wars est capable de se détacher. De tout ce qui gravite autour des Skywalker. Donc ça prend en compte tout ce qui est la République, tout ce qui est tous les segments qu'on a vu à côté, genre Rogue One et tout. Indirectement c'est lié quand même aux Skywalker, parce que c'est ce qui nous amène finalement à un nouvel espoir. Oui, pour l'instant au cinéma on n'a pas vu autre chose que la saga Skywalker, même Solo ça fait partie. C'est ça, dans le fond, oui, c'est un personnage qui gravitera autour après avec les Skywalker. Donc du coup jusqu'à présent nous n'avons rien eu qui n'était pas en lien direct ou indirect avec ces personnages là. Ouais. Donc maintenant le challenge ça va être de créer ou d'amener de nouveaux personnages qui seront aussi fédérateurs, et une nouvelle histoire qui sera tout autant, et voir comment le public réagit face à ça. Honnêtement, j'espère qu'ils réussiront leur coup, parce que l'univers Star Wars est très intéressant quand même. Il y a plein de choses différentes, il y a plein de choses à explorer. J'espère qu'ils repartiront pas dans un espèce de sous-saga Skywalker. Ouais. Ouais. Avec des élus, des machins. Non, il faudrait vraiment aller, quitte à aller sur des personnages peut-être un peu moins fréquentables, ouais. Des contrebandiers, carrément des aliens, pourquoi pas. Oui, voilà. Des personnages non humains. C'est tout ce qu'on attend, hein, clairement. Ouais. Des personnages non humains en personnages principaux. James Cameron, il y arrive, hein, donc. Ouais. James Cameron, il a même prévu de nous faire 5 films là-dessus. Donc, déjà, il va nous sortir le 2, après on verra. Voilà. Mais je veux dire, jusqu'à présent, ouais. J'ai revu Avatar dernièrement aussi. Merci la télé 4K qui repousse à avoir beaucoup de trucs vus et pas beaucoup de trucs pas vus. ouais. Mais c'est vrai que ça fonctionne. Et bon, Disney, les producteurs de Disney, c'est quand même pas la moitié d'un con, quoi, à chaque fois. Ils sont malins. Kevin Feige, on le voit, hein, il mène sa barque avec Marvel. Maintenant, je pense qu'il faudra faire les choses bien. La crainte, c'est que, vu qu'il est fan de Star Wars, est-ce que lui sera capable de se détacher de tout ça. Et c'est pour ça que le film Star Wars 7, bon, même si je l'aime bien, mais c'est un film de fan, Star Wars 7. Mm. C'est pour ça qu'il est moins intéressant que les autres. Aussi. C'est clair. Donc, on voit bien que J.J. Abrams est incapable de se détacher de ce qui l'obsède, des trucs dont il est fan. Sachant qu'il avait bien réussi il avait bien réussi Star Trek, justement parce qu'il était pas fan de Star Trek. Et du coup, il avait réussi à insuffler un sang neuf, un sang nouveau dans cette saga. Et c'était bien réussi. Bon, même si le 2, ok, c'est un ressuscité du 2, Star Trek 2, oui. Mais ça reste des bons films nés de Star Trek. Du coup, par contre, après, voilà, tu prends Abrams, Super 8, bon, moi j'adore Super 8, hein. mais Super 8, c'est du Spielberg. C'est le condensé de tout ce qu'a pu faire Spielberg, quoi. Avec E.T., avec Rencontre du Troisième Type et compagnie, quoi. Donc à voir si eux vont être capables d'aller vers du neuf, mais vraiment du neuf. Ouais. Et je trouve que Gareth Edwards, avec Rogue One, alors même si ça s'inscrivait évidemment dans l'univers que l'on connaît actuel et dans l'histoire que l'on connaît de Star Wars depuis qu'elle existe, il arrivait à faire un film qui ne ressemblait pas au reste de la saga. Après, le ce qui est compliqué, c'est que c'est ça, c'est que ben ça va être qui tout double, c'est soit les fans, est-ce que les fans sont vraiment fans de Star Wars, donc ça veut dire l'univers de Star Wars, tout ce que ça englobe, ouais, ou est-ce qu'ils sont vraiment fans des Skywalker? Ouais, c'est ça, la différence. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des Skywalker, hein, pas de problème, mais j'aime beaucoup l'univers de Star Wars, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Ma curiosité me porte à avoir envie de voir autre chose de cet univers-là, et je reviens sur Avatar, mais moi, quand je regarde Avatar, bon, j'aime bien l'histoire, je la trouve très bien, c'est universel, quoi, donc ça fonctionne, hein, les personnages sont attachants, tout est plutôt bien amené, mais c'est surtout, je trouve que Pandora, c'est tellement fascinant, en fait. Tout ce qu'il y a, tout cet univers-là, en fait, cette planète. C'est l'exploration d'un nouveau monde qui a l'air d'être cohérent. Ben c'est ça, c'est ça qui est génial. Et du coup, c'est ce qui me donne vraiment envie de voir la suite. C'est que James Cameron, il nous dit, on va vous emmener sur, on va continuer de découvrir Pandora, mais alors les océans, tout ça, c'est génial, quoi. Et c'est ce qu'on a aussi, c'est ce qu'on peut avoir aussi envie de voir dans un Star Wars. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous ramènent, alors même bon, si l'attaque des clones c'était pas terrible, mais sur des planètes complètement aquatiques ou sur des, il y a plein de trucs quoi à faire. Bah oui, c'est clair. Donc voilà, galaxie lointaine, très lointaine, bah allez-y à fond quoi. Enfin, c'est clair. Développer, ramenez-nous sur une planète de lave, enfin, sur des trucs, puis développer des personnages autour de ça, quitte à quitte à parler de l'Empire, de pareil, parce qu'on peut pas non plus éluder complètement tout ce qui aura été raconté avant, parce que ça fait partie de l'histoire de Star Wars, mais en se détachant quand même suffisamment des Skywalker et en amenant ça sur des nouveaux personnages, pourquoi pas, peut-être faire une nouvelle trilogie sur des personnages qui sont dans l'ombre, en fait, qui sont dans l'ombre de tout ce qui a pu se passer dans les autres aussi. Ouais. Mais après, moi, j'aimerais pas qu'on... En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne fasse même pas référence aux 9 films qui se sont passés. Bah après, ça reste compliqué quand même, parce qu'il y a un moment où l'ordre bascule. Donc, bien sûr, mais c'est pas évident de ne pas y faire référence non plus, quoi. L'univers Star Wars est gigantesque, c'est-à-dire que l'Empire a beau contrôler une galaxie, c'est ça. Il y a d'autres galaxies. Donc voilà, moi honnêtement, si je pouvais faire, enfin voilà, si j'étais décisionnaire. Déjà, j'en ferai moins des Star Wars, tout simplement. je me concentre. Je préparerai pas 3 trilogies et machin, enfin des choses complètement dingues. Je me concentrerai sur un film et après on verra. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui gère, etc. On s'en fout. J'aimerais bien voir quelque chose de, comme t'as dit, de complètement séparé. Et où on fait même pas référence aux 9 premiers films, jusqu'à peut-être une petite référence dans un 3e, 4e, 5e film. Ou alors des petites références subtiles aux autres, quoi. Voilà. Genre, je sais pas, t'as des personnages dans une galaxie du coup qu'on ne connaît pas, dans des systèmes qu'on ne connaît pas et tout, et puis tu vois, genre, je sais pas, genre face à un danger imminent qui nous disent. Vous avez jamais entendu cette histoire que dans la galaxie machin, un jour. Ouais, même si ça fait très forcé, ça. C'est... Ouais, voilà. Non, mais tu vois, dans ce. Sur un détour de genre. Un article de journal ou quelque chose, tu vois, genre, il se passe ça dans une galaxie. Par exemple H22, B32. Tu vois, genre, on passe la caméra, les on voit juste le ça. Pouvoir, machin, voilà, c'est ça. Et ça fonctionnerait très bien. Et ce serait suffisant, du coup. Bon voilà, après le fait que Kevin Feige rejoint cette saga, cet univers Star Wars chez Disney, ceux qui ont peur que Star Wars soit devenu du Marvel, c'est-à-dire un film par an, c'est déjà le cas, je suis désolé de vous le dire. Donc malheureusement, c'est déjà le cas. Donc, on n'a rien. L'année dernière, on avait Solo, cette année, on aura l'épisode 9. Ouais, bon, on n'aura rien l'année prochaine. Normalement. Après, on a les Mandalorian. Bah, c'est ça, on aura des séries sur Disney+. Du format série, ça reste un peu différent. Ouais, mais ouais c'est ça, ouais. Bon. Mais à voir. Bon, voilà. En tout cas, je veux dire, Star Wars est déjà sérialisé comme Marvel, comme le Marvel Cinematic Universe, et ça, on pouvait s'en douter et on le savait. Enfin voilà, c'est fait, on peut plus rien y faire, c'est comme ça. Après, je pense que la claque Solo leur a quand même bien remis les idées en place, un petit peu. C'est-à-dire que voilà, ils vont peut-être commencer un peu à plus réfléchir avant. Mais moi, je suis pas sûr que l'on voit d'autres spin-off en fait. Ouais. Pour moi, c'est pas garanti. Je pense que si y a des idées de spin-off à développer, ils vont le faire en série. Sur Obi-Wan, ça se fera en série, il me semble. Et est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant? Et c'est peut-être mieux parce que les gens qui sont vraiment intéressés par ça, ils verront en série et ça fera pas un film, donc ça fera pas non plus de la pub partout pour un film dont pas mal de gens se contrefoutent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne alternative, on va dire. Voilà, passons à une autre saga qui est chère à notre cœur, hein, à nous deux. C'est du coup Jurassic World, même si elle n'est pas aussi appréciée que Star Wars, c'est pas grave. C'est vrai que les fans de Jurassic Park sont moins reconnus que les fans de Star Wars. Oui, voilà, c'est ça. T'aimes bien les dinosaures? Bah oui, et toi t'aimes bien les sabres laser? Ça n'existe même pas, connard. Au moins les dinosaures, ça existe. Voilà. La nouvelle concerne Jurassic World 3 qui est attendue dans nos salles pour le 9 juin 2021, donc ça va quand même mettre un petit temps à arriver. Ouais. Mais au moins, ils prennent le temps de faire des films. Voilà. Je sais plus combien qu'il y avait eu d'écart entre 2015 à 2018, donc si c'est cohérent. Donc 3 ans, voilà. 3 ans pour faire un film, pour moi ça me paraît être quelque chose de plus correct. Pour digérer le film, clairement. Voilà. Et donc, Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à digérer Fallen Kingdom. Je pense que Fallen Kingdom est mal passé dans plusieurs, chez plusieurs personnes, mais voilà. Ouais. Donc, bah après, c'était. Enfin, honnêtement, moi, j'ai bien aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film, même. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je crois que je le préfère même au premier Jurassic World. Ah, ouais, carrément. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Parce que toute l'histoire avec la petite fille et tout me plaît beaucoup. Et le fait qu'on s'intéresse un peu moins à Bryce Dallas. Enfin, c'est pas Bryce Dallas Howard qui me dérange. C'est le couple Bryce Dallas plus Brad Pitt. Brad Pitt voilà. comment il s'appelle? Chris Pratt. Chris Pratt, voilà. J'ai fait un mélange. Qui, je trouve, est assez inintéressant dans les films. Ouais. Dans les films Jurassic World. Oui, c'est pas la force des films. Voilà, c'est ça. C'est clairement pas la grande nouvelle qu'on va vous annoncer, même si on est un peu sceptique, je crois. En tout cas, oui. Donc, c'est le retour. Donc, dans Jurassic World 2, il y avait déjà le retour, je mets des grosses guillemets, ouais, de Jeff Goldblum en Ian Malcolm, c'est-à-dire une scène de 5 minutes. Même pas. Oui. Au début et à la fin du film, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en tout, ça fait à peu près une scène. Mais pour la seule et même scène, du coup. Oui, voilà. En plus. En plus. Donc, le retour des trois personnages principaux du premier film, qui est Jurassic Park, sorti en 93. Sam Neill en Alan Grant et Laura Dern, qui reprendra son rôle Ellie Sattler. En sachant que Grant et Sattler ne sont plus ensemble après Jurassic Park. 3. Oui, c'est ça, Sattler, on voit dans le 3, elle a refait sa vie, elle a un enfant. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, elle sauve les miches de Grant, hein, encore une fois. Mais, En appelant l'armée. Ouais. Parce que bon, Spielberg, c'est vrai, ne mettait pas en scène, ne met pas forcément beaucoup de personnages féminins en scène. Mais dans le premier Jurassic World, finalement, celle qui arrive à sauver un peu tout le monde, c'est Sattler. Oui, avec cette magnifique scène, moi je la trouve toujours sublime, la scène où elle doit remettre l'électricité en place. C'est ça, ouais. Qui est d'une tension incroyable et qui est filmée magnifiquement. Ah bah, oui. Comme tout le reste du film, d'ailleurs, de toute façon. Et dans le 3, elle appelle l'armée, ouais, donc tout va bien. Ouais, ouais, donc c'est toujours elle qui sauve tout le monde. Donc moi je suis extra. Enfin, comment dire. L'annonce paraît calculée, etc. Pas du tout. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Mais bien sûr que non. Je vois pas de quoi tu parles. Mais paraît un peu calculée, c'est un peu. Les fans vont enfin avoir ce qu'ils ont toujours voulu. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur en disant ça pourrait être sympa Moi j'adore le personnage de Alan Grant, j'adore le personnage de Elise Sattler, plus que encore Ian Malcolm, que j'aime beaucoup. Bah, j'aime beaucoup Malcolm, son côté cynique et tout ça. Voilà, c'est ça. Je trouve que les trois fonctionnent bien, la dynamique des trois fonctionne très bien, ouais. Mais j'adore le côté un peu, très, l'analyse très scientifique de Alan Grant, et en même temps ce côté grand enfant quand il découvre. Les dinosaures pour la première fois. Ouais. Enfin voilà, moi j'adore son personnage, j'adore aussi le personnage de Laura Dern. C'est clair que ça fait très calculé, ça fait très pour l'argent, mais malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être un petit peu heureux de retrouver ces personnages que j'aime tellement et qui, pour moi, on n'a pas fait mieux dans la saga Jurassic Park en termes de dynamique de personnages. Avec ces deux personnages qui sont, je trouve, très bien écrits. Dans le contexte de Jurassic World 3, honnêtement, ça pourrait être intéressant, justement, puisque, spoiler pour Jurassic World Fallen Kingdom, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les dinosaures sont lâchés dans la nature, sont libérés dans le monde. Donc après avoir jusqu'où ils sont arrivés, mais en tout cas ils se promènent parce qu'on a eu le court métrage Battle at Big Rock. Moi je l'ai pas vu, ce court métrage. Bon, tu peux le regarder, c'est sympa. C'est pas excellent, enfin c'est plan quoi. C'est bon, c'est une famille qui campe et dans un parc national, truc qui se fait beaucoup aux États-Unis du coup. Oui. En gros, il y a un troupeau de Nasutoceratops, donc comme des Triceratops, mais un petit peu différents. D'accord, on les avait déjà vus, ceux-là ? Comment ? On les avait déjà vus ? Non, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une liste d'espèces, en fait. quand tu prends le site de Jurassic World, dans le parc, il y a une liste d'espèces présentes. Ils ne sauvent pas les mêmes espèces. En gros, il y a des nouvelles espèces dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et puis du coup, là, il y a même une espèce, on ne l'a même pas vue sur le bateau, celle-là. Donc bon, c'est un petit peu... Un peu spécial. Bon, il y a toujours la possibilité que Woo continue de créer des bestioles, hein, parce que vu que c'est devenu un savant. Ouais, c'est devenu le super méchant de la série. C'est ça, le méchant à la James Bond. Il avait l'air super sympa dans le premier Jurassic Park. Ouais, effectivement. Il était tout sympathique. C'est l'argent qui change les gens. C'est ça. C'est terrible. Terrible. Donc bon, outre cette incohérence, y a un troupeau qui arrive et que forcément, les gens, ça les surprend un peu. C'est sûr, des herbivores, rien de grave, mais bon. Ouais. C'est comme un troupeau de vaches, je veux dire, quand il y a des jeunes dans le groupe, elles peuvent charger, quoi. Là, c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Du coup, forcément, il n'y a pas que des herbivores qui se sont échappés, il y a des carnivores aussi. Et donc, il y a un allosaure, en fait, qui débarque et qui se bat avec un des autres dinosaures. Et la famille, en fait, est prise au cœur de tout ça, quoi. Okay. Donc c'est ce que ça raconte, en fait, ça montre un peu la confrontation de l'homme aux dinosaures, en fait, sur le continent, du coup. Et ce qui est plus intéressant, c'est finalement, c'est toutes les petites scénettes pendant le générique, où ça montre d'autres endroits où les gens sont confrontés à des dinos. Donc genre, t'as des pêcheurs, à un moment, au détour de la rivière, ils croisent un dinosaure qui s'abreuve dans l'eau. Il y a une petite fille qui est poursuivie par des Compsognathus. Là, elle est tout petit, là, tu sais, les petits vers. Ouais, je vois. T'as des ptérodactyles dans le ciel, des trucs comme ça. Donc bon, ça, c'est plus intéressant, je trouve. Ouais. Un peu comme la scène post-générique de Fallen Kingdom, où on voit des ptérodactyles arriver à Las Vegas, sur la tour Eiffel de Las Vegas. Voilà, t'aimes pas rester jusqu'au bout de Jurassic World. Disons que ça reprend un peu toutes les scènes un peu symboliques qu'on avait justement à la fin de Fallen Kingdom avec le T-Rex qui rugit face au lion. Là où on sent bien que la chaîne alimentaire va s'inverser, enfin le règne animal va être un peu bouleversé dans cet épisode-là. C'était intéressant et du coup ça nous amène évidemment à Jurassic World 3 où là maintenant c'est sûr, l'homme cohabite avec les dinosaures. est forcé. Bon, après il n'y a pas non plus des tonnes de dinosaures qui se sont échappés. Je crois qu'il y a 11 espèces. Alors, 11 espèces, pas 11 spécimens, hein. C'est pas la même chose. Oui, oui bien donc, sûr. Donc, 11 espèces différentes, c'est déjà bien. Ouais. Après, il y a quoi? Il y a peut-être une... Je sais pas, moi, en gros, il y a, grosso modo, il y a une trentaine de dinosaures qui se sont échappés. Ah, ouais, c'est pas énorme. Mais, ouais. Mais bon, alors, c'est, après, c'est entre-temps, il y aurait eu 3 ans, gérant. Donc il y en a qui ont commencé à se reproduire. On sait que chez les reptiles, ouais. La croissance va très vite. Mais bon, de là à avoir une armée de T-Rex, non, quoi. Surtout qu'il n'y a qu'une seule Rex en fait dans la nature, donc et puis elle est plus toute jeune en plus. Donc c'est ce qui va être intéressant, je pense, dans ce film là. Et là où ça peut être intéressant de ramener les anciens personnages, c'est que du coup eux ont été confrontés aux dinosaures. Donc ouais, on a bien vu que Goldblum déjà, Malcolm, dans Fallen Kingdom, bon lui clairement il est opposé. La ligne est pas clairement définie. Hein. Ouais, c'est ça. Si c'est Goldblum ou le personnage, on sait pas vraiment. Lui il est clairement opposé hein, au fait qu'on aille sauver les dinosaures sur Nublar. Il pense que au contraire faut laisser la nature les emporter en fait, voilà. Donc du coup on imagine bien que des dinosaures libérés sur le continent, il va pas forcément être du côté de ceux qui veulent les sauver, hein. Non. Et à mon avis, là où ça peut être un peu plus ambigu, c'est Sam Neill et Ellie Sattler, où malgré tout, ça reste quand même des paléontologues dans l'âme, et ils peuvent pas non plus, c'est pas des personnages qui pourront nier l'émerveillement quand même d'avoir vu des dinosaures en vrai, même s'ils ont failli mourir hein, sur Nublar, c'est sûr. Mais et Sam Neill deux fois. Hein. Ouais, en plus. Sam Neill dans le 3, clairement, pour lui c'est de l'hérésie hein, de retourner sur Nublar. Il ne pense pas qu'il y retourne d'ailleurs, il pense qu'ils vont juste la survoler. Il se fait avoir. Donc peut-être que ces personnages-là vont vraiment. La pire dégueularde. Oui, Madame Kirby, avec son mégaphone. Dans le jeu, d'ailleurs, c'est trop drôle, ça. Dans Lego, machin, c'est trop drôle. Et du coup, peut-être que... Dans Jurassic World Fallen Kingdom, il y avait l'association, justement, des... Enfin, un peu PETA. Le Dinosaur Protection Group, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est peut-être que... Il va rejoindre ce groupuscule ou quelque chose. Mais on sait pas, ou alors moi je vois bien un truc du genre, parce que vu que dans Jurassic World et dans Fallen Kingdom, ils ont vraiment entamé une espèce de démarche où finalement on fait oublier, on évoque les autres films, mais on oublie, on vous montre, ça y est, c'est fini, c'est plus ce que vous avez connu, quoi. Maintenant c'est Jurassic World, ce n'est plus Jurassic Park. Il y a des scènes comme ça très symboliques dans Fallen Kingdom. Il y a le Land Cruiser qui se fait recouvrir de lave, par exemple, la voiture. Ouais. On a évidemment le Brachiosaur qui meurt sur le ponton parce qu'ils peuvent pas l'embarquer, il est trop gros et il est trop grand et du coup il meurt en plus en se cabrant comme la première fois on le voit dans Jurassic Park. Après c'est pareil, dans Jurassic World il y avait aussi des références comme ça. Alors est-ce que l'idée ce serait pas de se dire les anciens finalement sont contre les dinosaures, quoi, les trois personnages sont contre ça, et ce serait même cohérent parce que s'il reste logique, ça n'a rien de bon en fait de les amener sur le continent, ces animaux là ils ont leur place dans le monde, bien sûr on les a ramenés à la vie, donc maintenant faut assumer, mais il n'empêche qu'ils vont foutre en l'air tout l'équilibre naturel des choses, quoi. Donc ça peut être intéressant. On va voir. Et sachant que le 3 sera réalisé par Colin Trevorrow. Oui. D'après les dernières annonces. Donc il le vend comme un thriller scientifique plus proche de Jurassic Park premier du nom. Après les promesses de Colin Trevorrow, tu sais, j'ai réussi. Il faut s'en méfier. M'en méfie toujours. Oui. On a appris à s'en méfier parce que on a eu des problèmes parfois sur Jurassic World ou même Fallen Kingdom. On n'était pas non plus à l'abri de quelques dérapages. Exactement. Passons à la suite du coup avec une adaptation qui est maudite, clairement. Encore une. Encore une adaptation maudite. Hein. Du coup, ça concerne l'adaptation de Uncharted, le jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation 3 au tout début et depuis sorti sur PlayStation 4. L'adaptation du coup est en marche depuis un petit moment, mais il y a eu du coup des départs successifs de David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Sean Levi et enfin Dan Trachtenberg en août dernier, qui ont tous renoncé à porter à l'écran l'adaptation de la franchise de ce jeu vidéo. Donc ça fait quand même 6, enfin non, ça fait 5 réalisateurs qui ont refusé, enfin qui sont partis de cette adaptation, et du coup le nouveau qui a été annoncé selon Deadline, c'est Travis Knight, qui a réalisé Bumblebee, mais pas que, puisque c'était le directeur de l'animation des studios Laika, il a travaillé sur des films comme Coraline ou les Box Trolls, où il est passé aussi à la réalisation en 2016 avec Kubo et l'armure magique, celui qui avait réalisé, sachant que le spin-off de Transformers, du coup Bumblebee, était son premier long métrage en prise de vue réelle. Oui. Donc voilà. Au niveau du scénario, c'est Art Markham, Matt Holloway et Rafi Judkins qui s'intéressera à la, du coup le scénario s'intéressera à la jeunesse de Nathan Drake, le héros du jeu, et à ses premiers pas en tant qu'aventurier et chasseur de trésors. Si vous connaissez pas, c'est un peu un Indiana Jones moderne, ouais. Pour faire simple. Et c'est pas Rockstar qui édite ça ? Non, c'est. Il y a bien non parce que je dois confondre avec une autre licence. Oui, tu confonds avec Max Payne. Max Payne, c'est ça. Voilà. Uncharted, c'est Naughty Dog, du coup, ceux qui avaient fait Jack and Daxter, oui. Qui avaient fait Crash Bandicoot, oui. D'autres jeux. Voilà. Okay. Et Last of Us aussi, si je le cite pas. D'ailleurs, le Last of Us qui est repoussé, j'ai vu ça. Je crois. Le deuxième, oui. Voilà. Qui est aussi repoussé, voilà. Et du coup, c'est Tom Holland qui devrait prendre les traits de Nathan Drake pour cet épisode, sachant que ça s'intéresse à la jeunesse de Nathan Drake, parce que clairement si Tom Holland devait interpréter Nathan Drake dans sa forme dans laquelle on le voit dans le jeu vidéo, moi je trouverais pas ça très crédible, parce qu'il a plus l'air d'un trentenaire, quarantenaire désabusé qu'un gamin enfin je dis un gamin en parlant de Tom Holland, mais enfin il a une gueule un peu il a une gueule d'ado, hein, clairement. Ouais, une gueule d'ado toujours, hein, donc voilà. Il a le visage très lisse, quoi. Ouais, c'est ça. La date de sortie du film est toujours fixée au 23 décembre 2020, mais les retards de production du coup pourraient bien repousser l'arrivée de ce film en 2021. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pardon, c'est mon micro qui est tombé. On sait juste que du coup c'est Travis Knight qui va normalement s'occuper de cette réalisation, à moins qu'il parte aussi. Et honnêtement, ouais, ça, enfin, ce sera intéressant. Ouais. Parce que ça reste quand même un artisan, quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai pas vu Bumblebee. Il y a eu des bons retours, je crois, sur ce film. Donc apparemment ça restait moins con quand même que la trilogie de Michael Bay. Ouais, je pense aussi. Tu me diras, c'était pas hyper difficile. Et hop. Écoute. Non, mais oui, bien sûr. Il y a toujours un petit taquet à Michael Bay. Exactement. Mais du coup, oui, il a quand même réalisé Kubo et l'armure magique, un film que. C'était excellent. Qui est, oui. Même si moi j'avais eu un peu de mal, mais enfin parce que j'en attendais trop, je peux pas lui renier ses qualités visuelles, de scénario, etc. C'était vraiment super bien fait, super bien réalisé. Honnêtement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis curieux. J'ai joué au premier, je l'ai quasiment fini, Uncharted, et le deuxième, je suis en cours avec 2000 autres jeux vidéo que j'ai lancés en cours et que j'ai pas fini pour l'instant. Ouais, je connais ça voilà, aussi. Voilà. Mais c'est honnêtement, c'est assez intéressant parce que Nathan Drake, c'est un personnage qui justement change un peu des comment dire du héros habituel, et puis dans le jeu il a toujours des remarques très très sarcastiques, enfin il est assez drôle, ouais. Et du coup moi j'aimerais bien le voir sur le grand écran bien adapté, et là ça semble être bien parti si c'est, Travis Knight qui s'occupe de la réalisation. Après j'aurais été pas contre Dan Trachtenberg parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était celui qui a réalisé Cloverfield, mince, le deuxième là, le huis clos. Ten Cloverfield Lane. Voilà, exactement. Qui était très bien, ouais. Voilà, voilà. C'était cette personne. Donc moi, je l'aurais bien vu aussi adapter ce film, mais malheureusement, il est parti en août dernier. Et donc voilà. Toi, qui, je crois pas que t'aies joué à Uncharted. Non. Tu n'as pas de PlayStation. Non. et du coup. C'est pas sorti sur PC, donc. Non, c'est exclusif PlayStation, puisque Naughty Dog sont un peu des fidèles de Sony. D'accord. Voilà. Et c'est quel, mais, du coup, le premier Uncharted, il s'appelle comment? Uncharted, de tout court, il a peut-être un sous-titre ou quelque chose. Bah, mais, je pense, oui. Ouais, mais pff, là, c'est, si tu me poses des colles. Ok. voilà, c'est, ça se passe sur une île, c'est sur un trésor enfui, Maya ou je sais pas quoi, qu'il faut récupérer. Enfin, c'est, le scénario est plutôt banal, mais c'est, les scènes de plateforme et les scènes d'action sont plutôt bien fait, surtout pour l'époque où c'était fait, c'était quand la PlayStation 3 est sortie, donc en 2006, et bah, ça a foutu des grosses claques. D'accord. Même encore aujourd'hui, c'est sorti sur quel sur la PS3? PlayStation 3, les trois premiers sont sortis sur PlayStation 3, okay. Et le 4 est sorti sur la 4, sachant qu'il y a aussi eu du coup un des remasters encore plus HD, ouais. qui sont sortis sur PS4 des trois premiers, voilà. Moi, je, ben, toi, du coup, tu, tu t'en fiches. Hein, non, pas, non, non, parce que je me dis que ça peut être super sympa. Moi, je suis toujours assez curieux des adaptations de jeux vidéo parce que, en fait, je découvre. Le truc, c'est que j'ai joué au, enfin, il y a eu deux périodes de jeux vidéo dans ma vie, en fait. Il y a eu une période où j'avais une PlayStation 2 et où je jouais à des jeux vidéo. Notamment les GTA, hein, mais comme beaucoup d'ados, en fait. Voilà. GTA San Andreas. Voilà, le San Andreas, Vice City, bien sûr. Ouais. Et du coup, après, il y a eu un moment de blanc, étude. Donc là, c'était sur des jeux beaucoup plus calmes, alors, genre les Sims. Hein, mais alors, moi, les jeux vidéo, j'ai pas du tout de genre prédéfini. Hein, c'est très. Oui, ouais. Et là, en fait, avec un PC qui peut, ben, je reviens sur des jeux vidéo d'action, de rôle, voilà. Donc, du coup, je découvre aussi le fonctionnement des jeux vidéo, puis forcément, ben. Et vous vous demandiez pourquoi Eddie voit moins de films cette année, vous avez. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai, bon, notamment Assassin's Creed pour le coup m'a vraiment permis de découvrir que ouais, les jeux vidéo, finalement, t'avais des histoires aussi prenantes que dans les films et que ben du coup, ouais, ça donnait envie, quoi. Quand j'ai fait Odyssée, là, je me suis dit. Ouais, ça pourrait avoir de la gueule en film, ça, quand même. Hein. et du coup, c'est pour ça que je reste curieux de voir des adaptations de jeux vidéo, parce que ben, y a le potentiel, en fait, pour que ça soit assez génial. Ouais, il y a toujours un potentiel, mais c'est très casse-gueule, hein, honnêtement. Enfin, on l'a vu sur pas mal d'exemples. Il y a peu de films qui ont vraiment marqué en termes de cinématographie. Moi, j'ai bien aimé le nouveau Tomb Raider, là, personnellement. Je l'ai pas vu. Je sais que c'est pas énorme, mais j'ai vraiment bien aimé. Mais si ça fait un bon film, c'est déjà pas. Ah oui, non, mais honnêtement, c'était divertissant, ça fonctionnait bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà. Passons à la suite. On parle toujours de Tom Holland, du coup. Décidément. Mais cette fois-ci. Non, mais en plus, après, je crois qu'il joue encore dans un film dont on va parler, donc c'est fou. Il est partout. Exact. Dans deux films dont on va parler. Dans deux films. Ouais, non, mais c'est le podcast Tom Holland aujourd'hui. Et c'est le nouveau Chris Pratt, en fait. Il a la hype. c'est ça, en fait. Ouais. Hein. C'est vraiment ça. Donc, Sony et Marvel, après toute l'histoire qu'il y a eu pendant cet été. Ouais, les feux de l'amour, quoi. Les feux de l'amour, exactement. Ça se battait sur Twitter à coups d'insultes de gamins de 12 ans. Et ça continue maintenant avec Scorsese et Coppola sur Marvel. Alors, je trouve ça d'un ridicule. Ah, mais c'est J'adore tellement... les deux, mais pourquoi vous dites des trucs comme ça? C'est bête. Bref. Exactement. Exactement. Exactement. Du coup, Sony et Marvel sont enfin réconciliés autour du personnage de Spider-Man. Et du coup, celui-ci fera son retour dans le MCU avec un troisième et peut-être dernier, mais bon, on n'y croit pas trop. Spider-Man dernier. Oui, non, je pense, ouais, pas, non, je ne pense pas. Dernier. Long métrage solo, du coup, toujours amené par Tom Holland, est prévu pour le 16 juillet 2021. Et John Watts à la réalisation, je pense. J'ai pas, on n'a pas d'infos. Hein, oh, sûrement, je pense. Ce serait surprenant qu'il. Oui, sûrement, sûrement. Honnêtement, ouais, je sais pas. En tout cas, ce qu'on sait du film, c'est que que du coup à la fin du... alors encore bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu Far From Home parce que ça va être un spoiler sur la toute fin, donc là vous pouvez pas y échapper si vous n'avez pas vu le film. Donc Mysterio, qui était interprété par Jake Gyllenhaal, est le méchant, et du coup à la toute fin il révèle l'identité de Spider-Man, qui est Peter Parker, oui. Au monde entier via le site du Daily Bugle avec le célèbre rédacteur en chef qui avait fait la gloire de la trilogie de Sam Raimi, J.K. Simmons, voilà, qui est toujours interprété par J.K. Simmons. Ça c'est formidable, c'est la meilleure idée du MCU, je pense, d'ailleurs. Mais j'aime tellement moi cet acteur et ce personnage. Oui, non, c'est vrai, et en plus ils l'ont rendu un peu je sais plus comment il s'appelle, ce mec d'extrême droite là, des États-Unis, mais celui qui gueule tout le temps, et il y a des mèmes à propos de lui. Mais enfin bref, c'est un peu c'est un rédacteur en chef de site web, du coup, maintenant, ouais. Qui est, enfin, ça a été mis au goût du jour de 2019. Et du coup, ben bon, même si personnellement je resterais fan de du rédacteur en chef avec son cigare et la secrétaire et qui gueule parce que sa femme refait la maison trop cher. Voilà. Mais non, mais il est, enfin, honnêtement, c'est pour moi la trilogie Sam Raimi, pour l'instant elle a pas réussi à être dépassée en termes de l'humour aussi des films. Ah oui. Fonctionne tellement bien. Donc voilà, les répercussions du coup vont être dans ce troisième film. Qu'est-ce qui va se passer avec Spider-Man et Peter Parker, maintenant que tout le monde sait que c'est lui qui est Spider-Man. Ça. Et ça arrive dans les comics que tout le monde finisse par le connaître. Honnêtement, ça a dû arriver. Ouais. J'ai pas tout lu. Hein. J'ai lu une période Spider-Man et puis après, et X-Men principalement. Je crois, il me semble que ça a dû arriver. En tout cas, ils le disent pas dans la news, donc. D'accord. Et ils sont. Est-ce que souvent ils mettent quand même de quel comics ils s'inspirent? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, ils le disent pas, donc je sais pas si ça s'était déjà produit. Honnêtement, je crois qu'il y a eu plus de 800 comics Spider-Man de la première incarnation. Ah oui, que de la première, ouais. En plus. Oui, oh, oui, putain. Oui. Puisqu'il y a eu le reboot, je sais plus quand. Mais c'est le plus vieux, en fait. Des super-héros. Quasiment, non? Alors là, en fait, le truc, c'est que vous allez vous rendre compte de mon inculture des comics. Non, mais je crois que c'était en 66-67. Ouais. Et les X-Men étaient avant. Ah oui, d'accord. Et c'est les 4 Fantastiques les plus vieux de chez Marvel. Oui. Enfin, non, il y avait Captain America avant, mais les 4 Fantastiques, c'est les plus vieux créés par Stan Lee chez Marvel. Voilà. D'accord. Pour faire plus. Mais en tout cas, oui, c'est une très vieille publication. Et ça a été rebooté en 2011 d'ailleurs. Et maintenant ils en sont, je sais pas, peut-être au centième, deux centièmes, j'en sais plus. Ouais, puis ça va vite, quoi. Je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, ouais. Okay. Ou alors, ouais, voilà. Donc, troisième film avec Tom Holland chez Marvel, ça conclura peut-être une trilogie, ou alors ce sera avec d'autres films, on verra. Ça amènera peut-être d'autres choses. Est-ce que tu es toujours curieux de voir Tom Holland en Spider-Man? Ah bah bien sûr, moi j'étais hyper déçu de me dire que il y aurait plus Tom Holland, parce qu'en fait ça perdrait en cohérence déjà et en continuité, là où jusqu'à présent Marvel avait quand même réussi à maintenir ça à flot, quoi. Qu'on aime ou qu'on aime pas, tout avait un sens. Donc, Enfin, pour le grand public, je sais pas s'il y avait beaucoup de sens au niveau de l'IP Spider-Man. Parce que, vu comment elle a été. De quoi ? Il y a eu. De l'univers Spider-Man. Enfin, du. Oui. Puisqu'il y a eu. Il y a eu Sam Raimi, il y a eu... Oui, mais les Spider-Man... The Amazing... J'ai l'impression quand même que les gens ont bien saisi que Andrew Garfield et Tobey Maguire avaient incarné d'autres Spider-Man et que Tom Holland, c'était vraiment celui à prendre en compte quand il s'agissait de le voir aux côtés de Thor, de Captain America et compagnie. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que moi, ça m'a attristé quand même quand on s'est... Peu importe que les deux films soient bons ou pas, mais c'est surtout que se dire le problème c'est qu'il prend une place importante et là alors qui serait resté en fait, qui aurait pu là c'est clair que parce que clairement il reprend un peu le flambeau de Tony Stark hein. Oui, bien un peu sûr, beaucoup hein. Même d'ailleurs comment du coup on aurait pu expliquer ça et enfin ça aurait vraiment été le bordel quoi Donc, même en inventant les meilleures pirouettes scénaristiques possibles, je voyais pas en fait comment ils pouvaient se sortir en fait de cette impasse. Et je suis assez content finalement qu'ils aient trouvé un accord. Donc la légende veut que ça soit Tom Holland qui ait aussi talonné les deux studios pour qu'ils trouvent un accord et qu'il aurait un peu sauvé la franchise au sein du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi pas, mais mais maintenant oui. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça, effectivement. Ouais. Il y a une histoire de dollars. Ça, c'est. Oui. C'est probable. Mais en fait, je crois que c'était. Ils recevaient que 5% des films de Sony. Donc ça paraît quand même un petit peu léger. Bon, après, c'est clair qu'ils ne faisaient pas les films. C'est pas leur dollar qui était en jeu, c'était juste parce qu'ils prêtaient. C'est ça. Entre guillemets, la licence Spider-Man. Qui recevait 5%, mais voilà, c'était juste à cause de ça, tout simplement. Donc bon, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra bien ce que ça donnera avec ce prochain film qui sortira en 2021. Voilà. Passons à la suite avec du Disney et en plus on parle d'un, mais c'est fou comme, enfin c'est pas fait exprès en plus, hein, parce que le film sera réalisé par Mark Webb hein, qui a réalisé The Amazing Spider-Man. Mm-hmm. On parle de l'adaptation live de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et oui, on y vient. Voilà, on y vient. C'était obligatoire. On pouvait pas y échapper en fait, hein, parce que clairement. Bah, c'est la dernière princesse qui n'avait pas été adaptée en fait. Ah bon, déjà ? On a déjà tout fait ? Je crois. Non, c'est pas possible. Bah écoute, on a eu Aurore, on a eu... Bon, on n'a pas eu directement d'adaptation de La Belle au Bois Dormant, mais on a quand même eu Maléfique. Oui, non, il y a La Princesse et la Grenouille. La Princesse et la Grenouille n'a pas été adaptée, mais bon, il n'a pas marché. Ouais. Oui. Donc est-ce qu'ils le feront ? T'imagines, ils font un live, Moana. Ouais, non mais voilà. Deux ans après. On a eu Cendrillon, on a eu Belle... Ouais. Alors, on n'a pas eu Pocahontas, pourtant, pour moi, c'est une princesse, hein, Pocahontas. Oui. On va avoir La Petite Sirène, on a eu Jasmine dans Aladdin, enfin... Ouais. On commence à avoir Aladdin fait le que tour. Tu as vu et que tu n'as pas trouvé si mauvais que ça. Non, finalement, ça a été une bonne surprise. Dit, tu vois, je te l'avais dit. Donc, voilà. Non, mais du coup, en fait, ouais, c'est vrai que ce Blanche-Neige, ben, c'était un peu le dernier bastion qui tenait, <C'est ça. rire> qui tenait en place. Sachant que c'est quand même, à plus d'un titre, un film légendaire. C'est ça, c'est que c'est presque intouchable, quoi, Blanche-Neige. En fait, c'est... Voilà, c'est légendaire dans la saga Disney, mais aussi dans la saga du cinéma mondial, clairement. C'est pas. Enfin voilà, ça a révolutionné à plus d'un titre plein de choses. Et aussi, c'était un film supervisé par papa. Donc, par papa Disney, lui-même, quoi. Effectivement. Voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a supervisé. C'est pas lui qui l'a réalisé, il me semble. Enfin, c'est pas lui le réalisateur. Le réalisateur du film. Je l'ai là. C'est David End. Voilà. Mais bon, ça devait être un animateur ou quelque chose. Enfin, David End. Il y a plusieurs. Hein. Il y a David End. Il y a. Oui, c'est ça. Il y a David End. Il y a. Merde, attends, j'ai plus le nom. Eh bien, pourquoi j'ai pu les... Ah, bon. Mm. Non, mais... Oui, il y en a 7 du coup, réalisateurs. Ouais, voilà, 7. Et dont il y en a, Disney, y en a 7. Hein, clairement. Il y en a... Ouais, il y en a 6. comme les 7 nains, quoi. Ouais. Ça, c'est assez drôle. Ouais. Non, mais quand tu comptes Walt Disney, oui, ça fait 7 réalisateurs, quoi, quasiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors Walt Disney et la Blanche-Neige, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Non. C'est clairement un film révolutionnaire et qui a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma, clairement, et l'histoire de Disney. Et là, ça va être adapté du coup en long métrage en vue réelle, en prise de vue réelle, par Mark Webb, du coup, celui qui a réalisé The Amazing Spider-Man et 500 jours ensemble. Mmh. Le tournage devrait débuter au mois de mars 2020 à Vancouver, la ville où tous les films se font. Et du coup, ce Blanche-Neige sera une comédie musicale, comme La Belle et la Bête, Aladdin ou Le Roi Lion. Comme Blanche-Neige a été annoncée comme une comédie musicale, les deux compositeurs, Benj Pasek et Justin Paul, notamment célèbres pour leur travail sur La La Land et Aladdin, seront chargés de confectionner de nouveaux morceaux qui viendront enrichir la bande originale qu'on connaît déjà. Voilà. Le film, il a plus de 80 ans. C'est énorme. Tu te rends compte qu'on va connaître les 100 ans de Blanche-Neige? C'est juste dingue de dire ça. Ouais. Le film est sorti en 1937. On va regarder à la télé des films qui ont 100 ans. Mais on regarde déjà des films. Après, on les regarde déjà. Quand tu regardes les premiers. Les films de 1918. Bah, je sais. Charlie Chaplin, oui, ou des choses comme ça. Pas les films. Ouais, je crois que le plus vieux que j'ai vu, moi, c'est L'Aurore. Et c'est 27. Ouais, 1927. Ouais. T'as déjà vu le film de Nosferatu, oui, si je l'ai vu, mais 22, oui. Et puis oui, bien sûr, il y a du Méliès, Le Voyage dans la Lune. Oui, Le Voyage dans la Lune, tout ça, voilà, ça c'est plus de 100 ans, hein, clairement. Ouais. Donc voilà, non, mais on analyse quand même un art qui a plus de 100 ans et qui continue d'évoluer. 1902, Le Voyage dans la Lune. Déjà j'imagine la pression énorme sur Mark Webb et sur les deux compositeurs du coup qui vont devoir s'attaquer, en plus des acteurs, en plus de tout ça, mais eux ils vont s'attaquer vraiment à des morceaux légendaires du cinéma. J'imagine même pas la pression qu'ils doivent avoir sur les épaules. Ça doit être absolument énorme. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de... De paramètres à prendre en jeu. Parce que il faut une actrice qui sache chanter, parce que c'est vrai que Caselotti qui chantait Blanche-Neige dans le tout premier doublage originel, elle avait cette voix chantante et de toute façon, tu ramènes pas tous les petits oiseaux de la forêt en faisant du zaz, hein, ça c'est clair. Hein. Donc. Ils vont le faire à la Roi Lion. Arrête, non, s'il te plaît. Mais surtout pas. Hein. Non. Là, c'est bête à dire, mais là, je veux qu'il soit absolument respectueux et. Ouais. Ah oui. Moi, je pense que je serais intransigeant avec ce film-là, hein, c'est sûr. Tout comme le Roi Lion, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est trop important pour l'histoire du cinéma et tout ça. Enfin, en tout cas, pour ma culture cinématographique à moi, Blanche-Neige, c'est une des pierres angulaires, ça c'est clair. Mmh. Oui, non, mais même moi qui l'ai découvert j'ai dû le voir en étant petit, ça c'est sûr, mais je l'ai vraiment regardé, c'est-à-dire analysé tout ça un peu plus tard dans ma vie, en 2015, il me semble, quand j'ai commencé à regarder tous les Walt Disney et tout ça. Ouais. Quand je me suis fait la rétrospective des 52-55 films du Walt Disney Studio, c'est quand même quelque chose de très très important. Visuellement, même si on peut dire tout ce qu'on veut, ça, moi je trouve que ça se regarde encore très très bien aujourd'hui. Oui. et qu'il n'y a, a pas vraiment de problème. Enfin, dans l'animation, c'est toujours très fluide, etc. C'est, moi, je trouve que c'est d'une beauté absolue. Voilà. Quoi. C'est très, très beau. Ah. Et il n'y a, pas d'autres films qui ont cette, cette aura et ce visuel. Ouais. Oui, non, il y a quelque chose de, qui tient presque de la magie, quoi, je trouve. C'est, ouais. On est vraiment dans le... Dans, on sent, en fait, c'est films comme ça où tu sens le mythique, un peu. Ouais, c'est très... Oui, c'est ça, comme tu dis, il y a une aura, quoi. Ouais, pas beaucoup de films, quoi, une aura, quand même. Mm. Et là, pour le coup, ça fait... Bon, c'est, ça n'a rien à voir, mais quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, j'ai... Quand Jackson dit, moi, je voulais que tout ait l'impression d'avoir été vécu et vrai, bah, je ressens ça, en fait. Et dans Blanche-Neige, ouais, je ressens quelque chose de la même importance. C'est que c'est... tu sens l'orfèvrerie derrière le dessin animé, derrière l'histoire. Mais c'est surtout que tu... Quand tu le replaces dans le contexte de l'époque, voilà. Bon, aujourd'hui, évidemment, hein, le message, bon, là, la femme à la maison et tout, c'est aberrant, mais il n'empêche que bah, pour l'époque, c'était génial, c'était hyper impressionnant, et encore aujourd'hui, c'est quand même, c'est saisissant en fait, quoi. Oui, Blanche-Neige, c'est assez exceptionnel, et comme. Ouais. Et je pense pas que, je pense pas de toute manière, je ne pense pas que Disney, au fil du temps, réussit. Les studios, je ne pense pas que les studios Disney aient réussi à recréer quelque chose de la même trempe, en fait. Non. Il y a eu des choses très différentes, qui sont très très réussies, excellentes, qui sont, enfin, honnêtement, subjectivement, que je trouve moi qui me touche plus que Blanche-Neige. Bien sûr. Ah mais oui oui, mais il y a des... moi, Blanche-Neige ne m'émeut pas plus que ça, voilà. Mais enfin m'émeut artistiquement, mais en termes d'émotion. En termes d'humanité, il y a des films beaucoup plus intéressants, je trouve, chez Disney. La Belle et la Bête m'aime beaucoup plus, par exemple, que Blanche-Neige. Oui. Mais après, on n'est pas dans le même contexte. Non. Et c'est toujours très important de replacer le contexte des films. En 37, sortir Blanche-Neige, c'est du génie, quoi. Oui. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est incroyable. J'imagine même pas à l'époque ce que ça devait être de vivre ça. Ah oui. La première de Blanche-Neige, mais... Ouais, non. Et il y a un autre film, peut-être, où ils ont réussi le truc, c'est Mary Poppins. Je pense que Mary Poppins, quand c'est sorti, ça devait tenir aussi, quand même, du... Oui, du... Ouais. Il y a quelque chose qui tient de la magie un peu aussi dans Mary Poppins, hein, je trouve, quand même. C'est très... Et ces deux films qui ont été chapeautés par Monsieur. Oui, exactement. Et moi, je le dis, je le répète et je le signe. C'est, pour moi, Walt Disney, c'est pas un génie à la Léonard de Vinci, mais c'est un génie. Ouais. Pour moi, il y a du génie chez Walt Disney, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un homme. Enfin, même sans parler de génie, en tout cas, c'est un homme d'affaires extraordinaire, quoi. Oui. Non, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, avoir l'idée déjà de prendre des contes. Très célèbre et de les adapter, de se les réapproprier, ce qui n'est pas évident avec une vision très américaine des choses et tout, quoi. C'est ça, voilà. Et donc, c'est voilà. Donc, en fait, bien sûr, on peut en parler pendant des heures de Blanche-Neige et les Sept Nains du film. On pourrait faire des podcasts là-dessus, c'est vrai. Analyse de classique, ouais, c'est clair. Du coup, moi je suis plutôt curieux. Ouais. Honnêtement, si j'avais le choix entre qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas, je préférais que ça ne se fasse pas. Qu'il ne se fasse pas. Moi aussi. Parce que c'est quand même. Trop de prise de risque. C'est une prise de risque, mais monumentale. En fait, je pense que le réussir, ça tient à 5 à 10%, quoi, de réussite. C'est ça. Honnêtement. C'est ça. Non, mais vraiment. Ouais. Parce clairement, que, c'est ça. Et les chances de se planter sont 95 à 90%. Ah, bah oui, ouais. Parce que c'est, enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Je pense que même Walt Disney, on l'a dit avant, ils sont malins chez Disney, ils vont pas faire n'importe quoi. Même eux, je pense que ils doivent se prendre la tête, même encore actuellement. Ça va être un casse-tête, je pense, la production. Comment de ce faire film. À comment réaliser ce film? Parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, tout simplement. C'est ça. Est-ce qu'on reprend ce côté expressionnisme allemand, quoi, très présent dans l'animation du film et tout. Est-ce qu'on reprend ce côté vraiment très sombre, quoi, où les décors viennent vraiment exprimer les émotions des personnages. Est-ce qu'on reprend tout ça? Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce que ça aura le même impact? Enfin, c'est clair, c'est plein de paramètres. En tout cas, on sait ce qu'on veut pas. Ah oui. C'est clairement un film qui sort sur Disney+, fait avec 3 francs 6 sous, enfin le budget d'à côté. Ou alors faut le faire un peu plus moderne et peut-être en faire faire un peu plus moderne, parce que c'est vrai qu'en même temps en 2000 2021 même, parce que le tournage commence en mars, voilà, sachant qu'ils ont pas encore annoncé le casting, ouais, parce que le casting ça a dû être quelque chose déjà d'énorme à prendre en compte. Hein. Mais on se doute que, enfin, là, quand on voit les derniers films sortis, ils repartent sur des héroïnes, c'est des femmes fortes. Alors autant c'est vrai que sur La Belle et la Bête, ça ne me choquait pas parce que Belle, de toute façon, c'est un personnage fort, c'est une femme forte, c'est elle qui sauve son prince et tout. Bon, Jasmine qui devient sultane, j'ai eu un peu plus de mal parce que pour le coup, c'est complètement incohérent. Oui. Même si je loue l'idée et tout ça, c'est très bien, mais ça n'a pas de sens, quoi. Par contre, c'est vrai que voir une Blanche-Neige cruche, je sais pas si en 2020 ça passerait, quoi. Ça va être difficile, hein. Ça va être extrêmement compliqué. Ouais, mais en fait, honnêtement, moi, ça me paraît être un tel casse-tête que personne n'a. Enfin, là, actuellement, on n'a pas de réponse. Ou alors, faut vraiment qu'ils repartent sur une autre adaptation. À la Maléfique, sachant que pas prendre le parti pris de la reine, c'est pas ce que je veux dire, mais aller sur une relecture et pas faire une adaptation live du dessin animé. Pour moi c'est la seule manière de faire ça correctement et qui soit pas insultante envers le film original, et aussi que ce soit pas non plus complètement aberrant de voir une Blanche-Neige comme en 1937 en 2020. Et le truc, c'est que s'ils vont par là, on a déjà eu finalement deux autres adaptations récentes avec Blanche-Neige et le Chasseur, que moi j'ai bien aimé, qui était plus dark. Ouais. Et moi j'ai bien aimé, je trouve, visuellement, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et qui a même eu une suite d'ailleurs, Blanche-Neige et le Chasseur et la Reine des Glaces. Donc là, on partait sur d'autres trucs, mais bon, après, voilà. Et il y avait Blanche-Neige aussi, Mirror, avec Julia Roberts qui jouait la Reine. Lily Collins qui jouait Blanche-Neige. Et là, on était sur quelque chose de. Vraiment sur le conte de fées, mais traité presque un peu sous le couvert de l'humour et du burlesque. Et qui fonctionnait, c'était assez drôle. Mais là, pour le coup, c'était vraiment des adaptations détachées. C'était pas Blanche-Neige et les Sept Nains. Non, c'était Mirror. Et en français, ça avait été traduit en Blanche-Neige, tout simple. Et Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est Disney. C'est Disney. Ouais, Disney et je crois le conte de Grimm, en fait. Blanche-Neige et les Sept Nains. Ouais, des frères Grimm. Ouais. C'est les deux seules appellations jusqu'à présent qu'on a eues de Blanche-Neige. Donc voilà, honnêtement, je suis curieux de voir une bande-annonce, parce que de toute façon ils l'ont annoncé, donc ça se fera. On peut pas dire je veux pas que ça se fasse, ça se fera. Mais bon, curieux et craintif pour moi en tout cas. Voilà, curieux et très très méfiant, très très craintif. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. On espère juste que ce soit quand même réussi, quoi. Vu qu'ils se lancent dedans, tant qu'à faire, autant faire un film réussi, quoi. Voilà, passons à complètement autre chose. La bande-annonce de J'accuse. Pour le coup, c'est autre chose. Donc, c'est le nouveau film de Roman Polanski qui est dans les cartons du cinéaste depuis 2012, qui devait à la base porter le titre juste D, la lettre D, à l'époque. Pour Dreyfus, évidemment. Voilà, tout simplement. J'ai cherché une blague, j'ai pas trouvé. Non. La réponse D, quoi. D comme doigt. Ouais, c'est ça. Non. Le réalisateur du Pianiste était finalement parti sur deux autres projets, La Vénus à la fourrure et D'après une histoire vraie. Il a bien fait de le faire, La Vénus à la fourrure, d'ailleurs. Film que je n'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Compte, tu peux le voir. Que je compte regarder. Ah, je pense que tu aimeras beaucoup. Ouais. Donc. C'est à l'automne 2018 que J'accuse, du coup, s'est enfin concrétisé avec le début du tournage. Jean Dujardin y tient le rôle principal, celui du colonel Marie-Georges Picard, qui est nommé à la tête du contre-espionnage. L'homme va découvrir, à ce moment-là, que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus ont été fabriquées. Du coup, à partir de cet instant, et au péril de sa carrière, puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Du coup, Roman Polanski souhaite porter cette histoire à l'écran depuis très longtemps, et en traitant le sujet non comme un drame en costume, mais plutôt comme une histoire d'espionnage. Ça, c'est intéressant. Ce qui, d'après l'abandonnement, a l'air d'être réussi, je trouve. Donc, aux côtés de Jean Dujardin, Louis Garrel se glisse dans l'uniforme du capitaine Alfred Dreyfus. Emmanuel Seigné, Mathieu Almaric, Melville Poupeau, Vincent Pérez, Denis Podalides et Grégory Gadebois complètent le casting. Beau casting, du coup. Beau casting. J'accuse, du coup, sortira très prochainement, le 13 novembre, dans nos salles. Voilà. Tu as vu la bande-annonce ? Oui. Est-ce que le sujet t'intéresse et est-ce que la bande-annonce t'a donné envie de voir le film ? J'ai trouvé la bande-annonce très bien. Ouais. Après, est-ce que le sujet m'intéresse ? Je suis pas sûr, mais je trouve quand même l'idée assez audacieuse de traiter l'affaire Dreyfus de cette manière-là. Parce que c'est pas évident, c'est des sujets casse-gueule. Et ça a l'air assez convaincant. Après, clairement, je sais. Les plus belles moustaches hein, sont dans ce. Dans effectivement. Ce, ça c'est clair que c'est oui. De la moustache de qualité. Je confirme. Oui, belle moustache, l'époque des rouflaquettes. Mieux que Rami Malek dans Ah bah Rami oui, Rhapsody, oui, là, oui. Ça c'est vraiment de la vraie moustache. et là, il n'y a pas eu besoin de traitement effets spéciaux comme dans Justice League. Ça fera pas polémique. Je sais pas si je suis curieux ou pas. Je sais que je le verrai pas cette année parce que j'aurai pas le temps. Mais après voilà, peut-être selon les retours, des fois ça joue aussi. Parce que ça reste une affaire importante et intéressante de notre histoire. Dans l'histoire. Et c'est pas une période de l'histoire qui m'attire énormément, même si. Beaucoup, y a beaucoup d'éléments qui forcément me parlent. Ouais. Mais ma passion pour l'histoire va jusqu'à la Révolution à peu près. Après, ça m'intéresse un peu moins. Mais ça m'intéresse pas de la même manière. Quoi. Ça me fait moins voyager en fait dans le temps. D'accord. Ouais. Voilà. Parce que c'est pas assez lointain. Oui. Peut-être. En fait, c'est bête à dire, mais je me sens plus proche des. Je me sens plus proche des gens de l'Antiquité ou des premières rois de France et tout que... D'accord, voilà. Je vois. C'est bizarre, hein, c'est très spécial. Non, mais après, je conçois totalement. Hein, le fait que, même si cette histoire se passe au passé, dans le passé, je vois que... On ressent quand même des choses, on a l'impression que ça peut se passer il n'y a pas si longtemps. Ah oui, je pense que c'est pour ça, c'est que je ne le vis pas vraiment en fait, comme de l'histoire, je le vis comme des événements récents aussi. Et puis c'est surtout que ça évoque vraiment la période où je pense que notre monde a vraiment commencé à partir en couille. À dévier. Aussi. Donc c'est la montée du racisme, de plein de choses. L'antisémitisme, la xénophobie. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, avant, on était raciste et tout ça, bien sûr, mais c'est on n'en avait pas conscience, on ne savait pas ce que c'était. Oui, ouais, c'est vrai. Alors que là, on a compris. On a mis le doigt dessus, quoi. On a eu Darwin, entre-temps, on a eu plein de choses. Donc forcément, voilà. C'est pour ça que ça m'évoque une période qui me parle pas, parce que je ne m'y retrouve pas, en fait. Il n'y a pas l'innocence. Je ne sais pas si l'innocence, c'est le bon terme, mais il n'y a pas le... On ne sait pas vraiment ce qu'on fait, donc voilà. Ça n'a pas vraiment de nom. Je ne dis pas que c'est moins grave. Je dis pas que la traite des Noirs, c'était quelque chose de génial. Hein. Mais on ne comprenait pas les choses de la même manière et que du coup... Dans le contexte de l'époque, c'était... Évidemment, c'était dégueulasse, c'était affreux, mais c'est surtout qu'on n'avait pas conscience d'être des gros cons, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que les événements autour de ça me parlent un peu plus Hitler, Hitler était un connard et Hitler était un connard, tout le monde le savait et on l'a suivi quoi. Donc ça m'emmerde un peu plus quoi. Mais bon, bref. Mais le film sera sûrement très bien, mais. Ça va être à double tranchant par contre, je pense. Hein. C'est, ouais. Soit ça va être. Oui, très... soit c'est réussi, soit c'est pas réussi. C'est très ambitieux. Mais ouais, c'est très ambitieux visuellement. C'est moi, je trouve le film sublime. Oui. Enfin, la réalisation est complètement dingue. Et dans cette petite bande-annonce de 1 minute 30. C'est bien parce qu'elle dure pas longtemps. Ouais. Ouais, on en voit pas trop. C'est fou ce qu'il arrive à faire passer comme info et en même temps à pas trop dévoiler sur le film. Même si, bien sûr, comme c'est toujours le risque et le fait d'adapter quelque chose qui est basé sur un fait historique, c'est qu'on connaît déjà la fin. Donc c'est aussi plus intéressant de pas vraiment voir la fin, c'est plus s'intéresser au parcours des personnages et comment ils vivent ça de l'intérieur. Et le côté émotionnel qui est souvent absent de l'histoire avec un grand H. Mmh. Où on raconte juste des faits sans vraiment se mettre à la place des personnages. Là, on est, je trouve que c'est le cas dans plein de films, hein, mais dans celui-ci, je trouve qu'il a, en tout cas de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être très bien réussi ce côté-là. Rien que la scène du début où Louis Garrel, donc Alfred Dreyfus, se fait enlever son épée et cassée, et le visage de Louis Garrel. Ça, puis ce plan large, là, je trouve. Enfin, ce plan super large qui rappelle un peu en moindre mesure, mais. Il arrive vraiment. Enfin, déjà, on voit dans le plan qu'il arrive à isoler son personnage alors qu'il y a une foule tout autour. Oui, et c'est très fort déjà, rien que ça. Ouais, et ça rappelle un peu des scènes du Sentier de la Gloire de Kubrick. Ah oui, exact. Qui faisait un peu ça aussi, je trouve. Et qui enfin ouais, de très longs, de très gros plans larges, mais qui se concentrait sur un personnage, mais avec plein d'autres personnages autour. Et ça fonctionnait très bien. Et là, ça... bon, après, je vais pas le comparer tout de suite au Sentier de la Gloire de Kubrick, attention. Hein. Mmh. Mais voilà, certaines scènes m'en faisaient. Bon, me faisait penser à ça. Moi, le sujet m'intéresse beaucoup, sachant que ça va parler aussi de Émile Zola, hein, du coup, qui va écrire J'accuse dans l'aurore. Je suis un très mauvais historien, je me souviens plus de la date exacte où il a écrit, où il a publié J'accuse, mais voilà. En tout cas, cette période de l'histoire m'intéresse pas mal. Après, il y a peu de périodes d'histoire qui m'intéressent pas, pour être honnête. J'allais dire peut-être les années 80-90, mais même ça m'intéresse parce que c'est toujours intéressant de s'y replonger. Donc voilà, le fait que ce soit un nouveau film de Roman Polanski et que ce soit toujours aussi bien réalisé, Jean Dujardin aussi dans le rôle principal a l'air de vraiment s'investir dans le rôle et a l'air d'être moi je suis très très curieux de voir ce film et c'est une de mes de plus grosses attentes de cette fin d'année avec le prochain Malick quoi. Oui. Passons à la suite avec un truc un peu plus délirant, pour utiliser une expression des années 2000. Jungle Cruise. Oui. Un truc de ouf. Non, mais je raconte n'importe quoi. Un truc de ouf, Guedin, qui va vous arracher la cervelle. Attention. Donc, Jungle Cruise, l'adaptation de l'attraction Disney. On a vu la première bande-annonce. Le film sort le 29 juillet 2020. C'est la troisième attraction Disney à être adaptée sur grand écran après Pirates des Caraïbes et La Maison Hantée. Hey. Voilà. La Maison Hantée, normalement, qui doit toujours avoir une nouvelle. Une suite ? Non, mais une nouvelle adaptation plus fidèle, d'accord. Plus proche. Ouais, parce que je me suis dit, une suite, ça serait compliqué. Oui. Déjà que Eddie Murphy ne fait plus de films, quasiment. Non, c'est vrai. Voilà. Jungle Cruise, le film se déroule dans les années 20 et raconte l'histoire d'un équipage de bateaux à la recherche d'un arbre magique qui aurait le pouvoir de guérir. Comme dans l'attraction originale, les personnages devront affronter des animaux sauvages et les membres d'une expédition concurrente. Dwayne Johnson, qui a d'ailleurs comparé le duo qu'il forme avec Emily Blunt à celui de Humphrey Bogart et Catherine Hepburn dans La Reine africaine de John Huston. Du coup, ce long métrage de John Huston avait fortement inspiré les concepteurs de l'attraction Disney en 1955. Oui. Donc voilà. C'est l'Odyssée de l'African Queen, hein, je crois. Ah, en anglais. Ouais, The African Queen en anglais. The African Queen. Et l'Odyssée de l'African Queen en français. D'accord, ok. Pardon, c'était marqué la reine africaine sur Allociné. Bon, c'est Vincent qui l'a écrit, donc. Pas bien, Vincent. Non, je me trompe. Donc voilà. Après, on va croire qu'on connaît des gens à Allociné, c'est pas bien. On en connaît une personne. au terme d'une longue période de post-production et après avoir eu une sortie repoussée, les spectateurs pourront enfin voir ce Jungle Cruise le 29 juillet 2020. Le réalisateur, c'est l'Espagnol Romé Collet Serra. C'est ça. Voilà. Pas Collet Serré. Pas trop, non. Non. qui avait réalisé Esther, Non-Stop et The Passenger. C'est vrai qu'il avait fait Esther. Esther. Et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps à ce film parce qu'il y a eu un fait divers. Ah ouais. Bon. Avec une naine. Alors non, pas une naine, une personne de petite taille une personne à la verticalité contrariée, parce que c'est ça le terme exact. Non, si, je te jure que si. C'était quasiment la même histoire en fait que dans Esther. D'accord. Ok. Des trucs hyper improbables et. Esther, ça fait longtemps que j'ai plus. Ouais, mais c'était pas si mal que ça dans mon souvenir. C'était ouais. C'était pas... c'était très glauque, mais en même. Oui, c'est pour ça que c'était. Mais je crois qu'il est sur Netflix d'ailleurs ou sur Amazon. Netflix, même, il me semble. Je l'ai vu passer récemment, donc. Ouais. Du coup, voilà, Jungle Cruise, première bande annonce. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande annonce? Ah ben moi j'ai. Est-ce que ça t'a inspiré? Ah bah bien sûr, moi c'est tout à fait ma cam. D'accord. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, c'est tout à fait, c'est clairement tout ce qui me plaît en fait dans le dans le genre d'action et aventure. Ouais, voilà. Et j'aime bien Dwayne Johnson parce que je le trouve tellement cool. Puis le mec se prend pas au sérieux, donc ça fonctionne tout le temps en fait, du coup. Et le mec ne se prend pas au sérieux et puis c'est surtout qu'en plus il va vers les rôles qu'il sait pouvoir interpréter. Oui, voilà, il va pas. Et voilà, le mec va pas chercher à aller chez Malick par exemple. Quoique, honnêtement, je serais curieux. Mais peut-être, peut-être qu'il serait capable. Si Malick arrive à le diriger. Peut-être. Et du coup, Emily Blunt se révèle vraiment au fur et à mesure de sa filmographie comme étant une actrice un peu caméléon. Donc, donc du coup, pourquoi pas. Elle avait interprété Mary Poppins dans le dernier. Exactement. Et c'est vrai que. Moi, je la trouve très drôle en plus. Elle a une dimension comique qui est pas souvent exploitée, mais qui est bien là. Dans ce film, dans cette bande-annonce, en tout cas, on la voit. Ah oui. Bien. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que ça reprend vraiment le principe même des croisières, des arnaques, quoi. Des arnaques, oui. Des arnaques, les croisières dans la jungle, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Oui, alors que tout est organisé. C'est ça. Les attaques... on fait venir... des indigènes. Les autochtones. Du coup, et forcément, c'est ça qui fait le lien avec l'attraction Jungle Cruise. Qui est à Disneyland. Que l'on n'a pas en France. Alors, Pour la... Ils nous ont sorti comme excuse que... Le climat parisien ne permettait pas en fait d'intégrer des attractions aquatiques en extérieur. On n'a pas Jungle Cruise et on n'a pas Splash Mountain, qui du coup Splash Mountain est une attraction sur des petits personnages. Il me semble qu'on voit dans Mélodie du Sud, mais du coup c'est une attraction de ces deux. T'as été à Europa Park. Bûche en fait. Les bûches où tu as des grosses plages en fait. Oui, non, mais justement, j'allais dire, l'excuse, elle est pas très valable. Bah non, parce qu'on l'a eu au Europa Park. Voilà, c'est ça. En termes de climat, bon. Honnêtement, le climat, on change pas. Voilà, tellement et entre non, mais même plus près que ça, il y en a. On a Menhir Express au parc Astérix. Donc donc c'est une excuse un peu à deux balles. Donc on n'aura pas ces attractions là en France. Et c'est vrai que c'est con parce que Jungle Cruise, c'est sympa pourtant. C'est tu te D'accord. promènes dans la jungle c'est avec. C'est un peu emblématique de. Ah bah oui, t'es dans des petits bateaux, t'as quelqu'un qui narre. Alors c'est tout est joué, hein. Mais tu passes à côté des animaux animatroniques, il y a des jets d'eau, mais c'est sympa quoi, c'est familial. Ouais. Et justement, Disney quand ils ont voulu faire Jungle Cruise. Quand ils ont créé l'attraction pour... je me demande s'ils l'ont créé à Disneyland Resort en Californie, donc dans le premier parc, ou s'ils l'ont créé vraiment qu'à partir du Magic Kingdoms à Orlando. En Californie, du coup. Non. En Floride, dans le plus gros complexe Disney du monde. Je sais plus. Mais Walt Disney l'a supervisé lui-même. Et tout revenait trop cher parce que lui il voulait carrément mettre des vrais animaux et tout. Et c'est là qu'il en est venu à. Ils en sont venus à l'idée, on peut pas en avoir des vrais, on va en faire des faux. Donc ils ont créé des animatroniques. Ils ont créé des fausses plantes parce que du coup c'est pareil, La végétation. Voilà. Déjà à l'époque ça faisait le lien avec le fait qu'en Amazonie il y avait des fausses croisières. Des arnaques et c'est assez amusant de voir que aujourd'hui le film refait le lien avec ça, c'est un peu comme si la boucle était bouclée définitivement et il y a longtemps que ce projet il était en gestation et que du coup il le sort, donc je suis assez content parce que moi ça m'a intéressé et c'est surtout que ce réalisateur là il a toujours une palette visuelle assez intéressante et c'est vrai que là dans la bande annonce on le voit, alors c'est pas excessivement beau visuellement, il y a des trucs qui fonctionnent pas, je pense que C'est un peu trop jaune. Un petit peu. Ouais. Mais je pense que ça peut donner un film divertissant et sans prise de tête, sympathique. Ouais, c'est un peu... honnêtement, je vois ça comme un film familial, d'aventure. Parce que Disney ont beaucoup fait à une certaine époque et qu'ils font un petit peu moins maintenant. Je trouve que le film fait très années 90, en fait. Sur ce point-là, principalement sur le comique un peu « Oulala, je suis tombé, oulala, il y a un truc qui me tombe sur la tête » ou des choses comme ça, qui sont un peu désuètes, je trouve, à notre époque. Mais après... Ça a l'air de fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire un bilan aussi de la décennie. Il y a 10 ans, on aurait dit « c'est ringard, c'est old school », et aujourd'hui, on trouve ça désuet. Là, ça commence à... Il y a un charme qui se met à opérer à la mode un peu. Et parce qu'il y a assez de temps qui est passé entre les années 90 et les années 2020, qu'on va bientôt aborder. Et puis, ce film sort en 2020, donc voilà. C'est clair que là, il y a un petit charme qui opère et qui revient un peu à la mode. C'est pour ça que c'est pas si bête de faire ce film maintenant. Et je pense qu'il se serait planté s'il l'avait fait en 2004 ou en 2005, comme ils ont fait pour le manoir hanté. Ils ont eu de la chance. Mais surtout qu'en plus, Disney n'aurait pas donné les mêmes moyens. Oui. Je pense que le film sort en bon moment, en fait. Alors après, de là à voir s'il va marcher ou pas, j'ai l'impression que Dwayne Johnson ramène quand même du monde dans les salles. Les gens l'apprécient bien, Emily Blunt aussi. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un film d'été 2020. C'est ça, c'est une création originale. C'est ce que l'on attend de Disney depuis longtemps, quand même. Une création originale en live c'est quand même pas. On se lève pas tous les matins en disant tiens, il y a une création originale live chez Disney. Disney va nous faire un film original, donc ça, c'est le genre de projet Disney qu'il faut soutenir aussi, je pense, si on veut en voir d'autres. C'est ça. Voilà. Ouais. Ah, mais en fait, ils se sont plantés, c'est pas la troisième, c'est la quatrième. Il y a eu Tomorrowland. C'est une inspiration du Land, Tomorrowland. Ouais, voilà. D'une attraction. C'est une partie du parc, c'est pas. Ils ont pas adapté Space Mountain, par exemple. Oui, c'est. Okay. Mais la première en date, évidemment, c'était Pirates des Caraïbes. Oui, bien sûr. Et qui a eu de la chance parce qu'il y avait Jerry Bruckheimer derrière qui a foutu l'argent qu'il fallait pour faire avec des bateaux, tout ce qui est revu fait, dernièrement ouais. aussi, c'est toujours aussi bien d'ailleurs. Le premier se laisse toujours. Ah oui, oui, vraiment, c'est un excellent film d'aventure. Ouais. Passons à la suite avec Pixar cette fois-ci, qui en a dévoilé un peu plus à travers une nouvelle bande-annonce sur le film En Avant, qui sortira le 4 mars 2020. Du coup, c'est donc Pixar n'est pas sorti de projet original depuis Coco en 2017. D'ailleurs, si on croit le producteur Mark Nielsen, les suites c'est fini pour Pixar. Il avait annoncé lors de Toy Story 4 que ce serait la dernière du studio. Moi, je mets ça quand même entre grosses guillemets parce que bon, c'est la dernière avant une longue série, je pense, de projets originaux. C'est ça, exactement. Et bon, longue série. Là, il a dit. Voilà, c'est ça. Mais là, comme il l'avait annoncé, c'était clairement qu'il n'y aurait plus jamais de suite de films Pixar. Clairement, on n'y croit pas un seul moment parce que lui, il peut dégager d'un instant à l'autre chez Pixar et il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de projets Pixar qui se prêtent à avoir des suites. Donc, c'est ça. Vice versa, s'il vous plaît. Bah oui. Suite à Vice versa. C'est tout ce qu'on veut. C'est oui. bref. Du coup, En Avant, le prochain film Pixar. Qui sortira le 4 mars 2020, va nous entraîner dans un monde féerique peuplé de créatures fantastiques, donc des elfes principalement. Enfin, on va suivre deux elfes, Yann et Bartley, deux frères elfes qui sont doublés par Chris Pratt et Tom Holland. Encore. D'ailleurs, tu disais que Tom Holland c'est le nouveau Chris Pratt. Oui, c'est vrai. Voilà. J'avais pas fait, oui. Ils vont se lancer dans une quête extraordinaire afin de découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Donc en fait dans la nouvelle bande-annonce on découvre davantage du scénario, même si moi j'ai toujours un peu peur qu'on en dévoile trop chez Pixar, sachant que ça n'a jamais été le cas parce que toujours ils nous dévoilent ce qu'ils veulent dévoiler et puis après le film il a plein d'autres choses à nous donner, c'est plus trop ma crainte aujourd'hui. Je sais que ce qu'on a vu dans cette bande annonce c'est qu'une partie du film, une petite partie, enfin je l'espère en tout cas. Donc pour ses 16 ans, le cadet de ses deux frères reçoit une canne magique léguée par son père qui est mort du coup, et découvre des instructions précises afin de faire revenir ce dernier. Mais les elfes n'arrivent qu'à faire apparaître le bas du corps de leur père. Ils partent du coup à l'aventure à bord d'un van afin de récupérer assez de magie pour leur faire revenir leur père en entier. Le film est écrit et réalisé par Dan Scanlon, qui a écrit et réalisé Monstre Academy. Du coup, le casting vocal, Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer et Julia Louis-Dreyfus. Voilà, sorti le 4 mars 2020. Moi quand j'ai vu cette partie, parce qu'au début la bande annonce on se dit ah ouais c'est sympa, c'est pas très, enfin si c'est un peu original mais c'est pas non plus quelque chose qu'on a jamais vu, et le moment où ils font apparaître juste le bas du corps de leur père et que ça va être un morceau d'intrigue principal du film, moi je me suis dit mais c'est, enfin ils sont géniaux ces gars, enfin quelle idée, et en plus ça va apporter sûrement plein de moments super comiques, super drôles, comme ils ont prouvé qu'ils pouvaient encore le faire très très bien dans Toy Story 4 très récemment. Pour moi, ces gars, c'est vraiment des génies de la comédie, honnêtement, et s'ils arrivent à faire des scènes aussi drôles que dans Toy Story 4, mais avec ce A en avant, mais moi je suis à fond dedans, et surtout que ça n'a pas l'air non plus d'être que pour la comédie, parce que au moment où il fait apparaître le bas du corps de son père, on rigole, enfin voilà, et il y a tout de suite une séquence un petit peu émotion où le père vient avec son pied pour lui dire, enfin puisqu'il a que ses jambes pour parler, du coup il vient avec son pied pour toucher ses fils, son fils qu'il n'a jamais vu en fait, voilà, son cadet qu'il n'a jamais vu, le grand frère l'a connu mais que petit quoi. Donc voilà. Et pour moi, ça a l'air d'être un grand Pixar. Enfin, je vais pas dire que c'est un grand Pixar parce que tout de suite, mais ça a l'air d'être un digne héritier de tout ce que le studio a produit jusque-là. Et pour moi, enfin, ça a l'air juste génial. Quoi. Moi, je suis très très impatient de le voir. Et sachant que j'avais adoré Monstre Academy, et je suis très content qu'ils continuent à faire des films après Monstre Academy. Voilà. Toi, Edith, t'en as pensé quoi? Bah moi, je suis, oui, moi j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que ça sorte, quoi. J'ai trop envie de voir ça. Ça va être, je prédis un Pixar génial. Donc, oui, bah bon, enfin pour moi là, tout est réuni pour que ça soit super, quoi. Donc, l'univers me parle vraiment beaucoup. Ouais. Le côté féerie, mais dans un univers moderne qui copie un peu notre société. Oui, il y a ça aussi. Moi, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Le tout début, là, avec les haltères. Mais oui, la sirène dans sa piscine. On voit pas des mini licornes aussi en chien de garde, j'ai plus quoi. Après oui, cette histoire, ça a l'air hyper touchant, quoi. Donc donc oui, je sens je flaire le bon Pixar, quoi, un peu. Donc et puis c'est surtout que là, ils sont vraiment dans une bonne pente, quoi. Enfin, Coco, c'était exceptionnel et Coco, ça s'est tout de suite imposé comme un Pixar majeur, je trouve. C'est vrai que là, j'espère qu'ils vont continuer, quoi. C'est bien parti, c'est bien parti pour Pixar. Pixar, vraiment un studio captivant, quoi. À suivre. Il n'est même plus à suivre, quoi, parce que tout le monde le suit déjà. J'ai vraiment envie de voir ça. J'ai vraiment hâte. Et on est très impatient de voir tous les prochains films qui vont sortir. Surtout, enfin, là pour moi, il y a les deux films, il y a celui-ci en avant et il y a Inward, là, le prochain de Pete Docter qui a l'air. Inward génial. Donc, non, c'était pas. Bah, c'est Onward en fait en avant. Onward. Qui a juste l'air fantastique aussi. Bah non, Onward c'est en avant. Ah, attends, c'est quoi le. Je ne sais plus, mais Onward en fait le titre original. Onward c'est, pardon, en avant. De en avant. Et du coup, c'est. Je sais plus, on en avait parlé dans le. Et après, il y a. Soul. C'est. Voilà, The Soul. Doctor. Voilà, tout simplement. Et qui sort en 2020 aussi. Ouais, à mon avis, ça va se repousser, ça. Peut-être une année à deux Pixar. Ah, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, hein, et c'était de bonnes années. On a vu Vice et Versa, on a vu Arlo, qui n'était pas exceptionnel. Ouais. Bon, qui se revoit plutôt bien quand même, mais. Non, c'est un Pixar mineur. C'était mineur, mais... voilà, c'est ça. Mais là, pour le coup, Soul, ça a l'air vraiment exceptionnel aussi. Hein. Mais pour moi, ça va être repoussé, ça, je pense. Ouais. Oui, parce que vu l'ambition que ça, que ça a et le peu d'informations qu'on a, je suppose peut-être repoussé. Voilà, donc on passe à la toute dernière news qui nous emballe tous les deux, je le sais. Je le sais que ça nous emballe. La bande-annonce de Dr. Dolittle, le retour de Dr. Dolittle. Le film sortira le 5 février 2020. Du coup, c'est une saga qui comprend quand même 5 films, dont 3 qui sont sortis en DTV. Hein. Les deux premiers emmenés par Eddie Murphy. Steven Gagan, c'est lui qui... scénarise le film et qui réalise aussi, pardon. Il s'empare des bouquins qui sont écrits par Hugh Lofting pour en faire sa propre adaptation. Cette fois-ci, pour camper le personnage, c'est Robert Downey Jr. Qui va interpréter Dr. Dolittle. Le film a quand même l'air d'être plus action et aventure. Par rapport au film avec Eddie Murphy qui était plus orienté comédie. Au niveau du casting, donc Robert Downey Jr., on a Antonio Banderas et Michael Sheen. On retrouve encore Tom Holland qui fait une voix. Je vais pas nommer tous les chiens et girafes et tigres parce qu'il y a marqué à côté et c'est ridicule parfois. Il y a Emma Thompson, il y a Selena Gomez, il y a Ralph Fiennes, Rami Malek, Chichi le gorille, voilà. Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Carmen Ejogo, Craig Robinson et France de la Tour. Marion Cotillard sera également présente puisqu'elle prête sa voix à la renarde Tutu. Voilà. Donc le film sort le 5 février 2020. On a eu une bonne annonce. Qu'est-ce que tu en as pensé, Eddie? Ça pique les yeux en fait. C'est, je suis navré. Alors, je sais pas de quoi tu parles en parlant de peut-être de Chichi le gorille, surtout après être passé par le planète des singes. C'est un peu compliqué. Et ben voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit quand t'as vu l'Odyssée de Pi et quand tu as vu coup la trilogie de la planète des singes, forcément ça pique. Hein. Et ben même quand t'as vu le Roi Lion du coup. Non, c'est pas beau quoi. Il y a des gros problèmes. Donc non. Puis alors, c'est pas une histoire qui m'intéresse du tout en plus. Ah oui, non mais. Moi j'adore les animaux, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Puis le côté plus aventure action. Non. Moi j'avais vu le film avec Eddie Murphy. C'est une catastrophe. Oui, c'est drôle. C'est... voilà. C'est... ouais. C'est bébête. Ah c'est bébête, pas... oui, ça c'est, oui, moins qu'on puisse c'est dire. C'est très bébête. Hein. Non, c'est clairement pas les... Ça fait pas partie des plus grandes comédies jamais réalisées, hein. C'est clair que c'est pas le cas. Mais c'est... en tout cas, le premier, je trouve qu'il a un petit charme qui fonctionne encore assez... Enfin, qui fonctionne, voilà. Là, ça sent très très mauvais. Hein. C'est vraiment... c'est un film universal. Parce que je me suis dit... Tiens, c'est bizarre. J'avais l'impression que c'était un film Disney. Mais je me suis dit, c'est pas possible que Disney sorte ça dans cette. J'ai vraiment cru que c'était un film Disney aussi. Ouais. Mais vu que j'avais pas entendu parler du projet, je me dis, non. Oh. Ouais. Non, mais non, c'est mais pas. C'est, clair, c'est la Fox, non? C'est quoi? C'est Universal. D'accord. Universal, voilà. Donc, non, visuellement, c'est horrible. Non, parce qu'en général, Universal, ils mettent le budget, quand même. Ils n'ont pas des films trop vilains. Mais... Oui, je sais pas. Je sais pas ce qui leur passait par la tête. Non, mais ils n'y croient pas plus que ça. Ou alors, c'est vraiment le trailer qui est moche, quoi. Mais... Honnêtement, là où toutes les minutes du film, toutes les secondes du trailer... J'ai pas vu une image qui fonctionnait, ouais. Ouais, honnêtement, moi quand j'ai vu le gorille, je me suis dit c'est bon, c'est foutu quoi. Honnêtement. Même sur les animaux proches des humains, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de propre, ça fonctionnera pas. Le chien, y a rien qui fonctionne, honnêtement. Et puis Robert Downey Jr., mais qu'est-ce qu'il est ridicule! Moi je le trouve ridicule là quand il met sa tête dans l'aquarium pour poissons et qu'il parle aux poissons, mais c'est d'un ridicule. Mais ça a tombé par terre, hein. Honnêtement. C'est compliqué. En plus, ça sort bientôt, hein, 5 février 2020, c'est dans 4 mois. Hein. Ouais. Donc, je pense pas qu'il puisse refaire tous les effets spéciaux. Et au niveau de la réalisation, ça a l'air d'être. D'être très compliqué. D'être très compliqué. Quand on parlait justement de Jungle Cruise et qu'on disait il y a un petit charme des films des années 90 qui revient, là c'est le charme mais qui fonctionne plus des films des années 90 qui revient et ça a pas changé en fait, il y a pas d'adaptation par rapport à 2020, c'est clairement c'est resté la même chose sauf que on nous le sort aujourd'hui avec des effets spéciaux un peu mieux que à l'époque, même si un peu mieux, voilà, mais ça reste ça reste un film qui est ancré. J'ai l'impression qu'il est sorti du placard des années 90, quoi, clairement. Comment, qu'est-ce qu'on. C'est ça. Imagine en réunion de production. Polo, qu'est-ce qu'on a pas fait dernièrement? On a ça qui traîne depuis des années. Très bien, ça, c'est bien ça. Mais non, mais. Il y a un vieux script, Dr. Dolittle. C'est avec qui? Avec Iron Man, c'est bien, il est mort, il vaut bien qu'il fasse des trucs, donc... Non, c'est bien, voilà. Il va ramener du monde, ils vont croire que c'est Iron Man qui parle aux animaux. Oui, puis les autres, on va leur faire jouer des animaux, comme ça, ils coûteront pas trop cher, il y aura juste la voix. Très bien. Parce que, à mon avis, c'est même... Enfin, non, mais clairement, c'est pas de la performance culture, ou alors c'est vraiment très mal fait. Non, parce qu'il me semble que, par contre, quand ils ont fait, les deux livres de la jungle, là, que ça soit celui de Serkis ou celui de... Oui. De non, c'est de la performance capture, ça. Je sais plus comment il s'appelle. John Turturro. Non. Le livre de la jungle, c'est pas celui qui a fait le roi. Oui, si. C'est... J'ai plus le nom. Happy Hogan, quoi. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus. Et là, ça a été beau, quoi, parce que justement, il y avait justement. C'était justement de la performance capture. John Favreau, c'est ça. Oui, c'était de la performance capture, du coup, c'était beau, ouais. Au moins. Et puis, ça paraissait un peu plus réel. Ah oui. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Je ne sais pas comment ce film va s'en sortir. Je prédis un flop. Voilà. Après, ça se trouve, durant le mois de février, il n'y a rien du tout et ce sera le seul film à voir et tout le monde va aller se ruer dessus. Mais j'ai peu d'espoir que ce soit le cas. Voilà. Donc voilà, un bon film des années 90 pour finir en beauté. Ce podcast a duré très longtemps. Oui, effectivement. le peu de news, finalement, quand je vous avais dit qu'on avait des choses On a toujours plein de choses à dire. Finalement, on n'avait pas menti. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est à peu près 2h50 de podcast. Ouais. Merci à toi, Eddy, d'avoir participé. Bah, écoute. Toujours un plaisir d'avoir tes analyses très. Ouf, tu parles. L'univers. Ouf. Voilà. Allez, bonjour. Non mais je le pense vraiment, hein, c'est pas pour vous. Oui, bah merci, c'est gentil. Non mais. Du coup, voilà. Je vais rappeler les informations où vous pouvez nous retrouver. Moviesnerd.net, où vous pouvez lire et regarder et entendre tout ce qu'on fait. Il y a d'ailleurs une dernière critique dédiée sur ma vie de Donovan. Je me suis dit il fallait que j'écrive un peu. Oui, moi aussi je me suis dit qu'il fallait que j'écrive, mais finalement je l'ai pas fait parce que hier je suis allé voir Shaun le mouton. Oh, je peux vous bien conseiller, allez le voir, il est vraiment bien, il est vraiment marrant, il est touchant, il est drôle. Voilà. Moi j'avais adoré, honnêtement, c'était trop drôle. Ouais. Et j'ai vu Chambre 212. Le nouveau Christophe Honoré, et je vous le conseille. Oui, pas ça du tout. Oui, ça me donne quoi. Alors, moi, je crois que je suis très très hermétique au cinéma. Ah bah, Christophe Honoré, j'arrive pas deux. Du tout. Je n'arrive pas du tout. Voilà. Et pourtant, il y a des trucs qui pourraient me plaire, mais là, c'est trop dans son univers. Trop bobo. Ouais, non, mais c'est ça. voilà. Donc, je vous conseille pas, mais je vous conseille d'aller voir Shaun le Mouton. Voilà. Mais en fait, le Chambre 212, il m'a claqué et du coup, j'arrivais même plus à parler de Shaun le Mouton. D'accord. voilà. Donc, voilà. Moviesnerd.net pour les critiques, les émissions audio et vidéo. Ensuite, les réseaux sociaux Moviesnerd sur Facebook, Movies_, donc le tiret du 8, Nerd, sur Twitter, moviesnerd_officiel sur Instagram. Voilà. Vous pouvez noter le podcast Parlons Cinéma sur Sens Critique, sur PodCloud, sur iTunes. Sur iTunes, ça nous permet de monter dans les classements des podcasts audio sur le cinéma et ça nous fait très plaisir. Mmh. Voilà. Beaucoup plaisir. Ça nous fait beaucoup plaisir. Français. Très beaucoup plaisir. Voilà. Très beaucoup plaisir. Je crois que j'ai dit tout pour MoviesNerd. Contact@moviesnerd.net pour la boîte mail au cas où. Pour moi, vous pouvez me retrouver sur MoviesNerd, sur Sens Critique, sur Instagram, sur Twitter. C'est TheLexal, TheLexal. Voilà. Eddy, quant à toi. Moi, du coup, c'est Eastark partout. Donc Eastark, c'est pareil, je précise jamais, mais c'est Eastark, c'est E-6, Stark. Voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est dans les notes de l'émission. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais bon. Au cas où, c'est vrai que si vous écoutez ça et que vous voulez. Et donc, c'est sur MoviesNerd, sur Sens Critique, sur YouTube, sur partout en fait. Les plateformes de jeux vidéo, sur Uplay, sur Origin, sur Steam. Voilà, c'est Eastark et des fois il peut y avoir un 91 derrière. Parce qu'il faut absolument mettre des chiffres parfois, mais en général. Oui. Bah. Non, c'est bien moi. Ok, très bien. Voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous dans pas très longtemps, normalement, pour un prochain Parlons Cinéma. On parlera des news du 16 octobre au 15 novembre, normalement. Je dis normalement parce qu'on a des problèmes de planning en ce moment, c'est compliqué, vous le voyez. Voilà, mais comme d'habitude. Movies Nerd 51 sur les films d'octobre, plus peut-être septembre, ça sortira début novembre. Ah, voilà. Septembre, voilà, c'est ça. Movies Nerd, il y a un Movies Nerd spécial pour Halloween, mais qui sortira pas pour le 31 octobre parce que la personne avec qui je le fais, je vais pas nommer le nom, mais. Vous le connaissez sûrement, n'est pas disponible. Quand on parle de films d'horreur, il n'y en a pas 36. Hein. Il n'y en a pas 36, hein, vous le connaissez bien. Le monsieur qui gueule tout le temps. Voilà, c'est ça. On va l'enregistrer le 3 novembre et du coup, ça sortira dans la foulée. Ce ne sera pas pour le 31, malheureusement, je suis désolé, mais on essaye de faire de notre mieux. Et puis, j'annonce des. On a fait des petits rappels. Par-ci par-là dans ce podcast, et je vais pas l'annoncer tout de suite, on prévoit un gros podcast en deux parties pour la fin de l'année. On va parler de plein de choses, énormément de choses. Et en plus de notre... Voilà. En plus de notre top, enfin de notre bilan de l'année de 2019 du coup, habituel, hein, vous avez l'habitude, top, flop, machin. Ça, ce sera une émission, et en plus de ça, vous aurez droit à une deuxième émission en deux parties. Et ben voilà, vous êtes vraiment gâtés. Ouais. On a pas mal, on a disséminé des indices dans ce podcast par-ci par-là. Si vous arrivez à les retrouver, bravo. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire, qui nous tient à cœur et qui, si on le fait bien, normalement, ça devrait être très intéressant. Ouais, une idée originale de Morgan quand même à citer. Pour une fois qu'il a des bonnes idées, on va essayer de mener ça bien. D'abord, il faut qu'il passe par nous pour qu'on juge l'idée et après on lui donne notre accord ou pas. Et là, il avait une bonne idée, donc voilà. Non, mais c'est méchant. Non, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Donc voilà, ce sera disponible mi-janvier, fin janvier 2020. Du coup, vous pourrez écouter tout ça et vous dire ah, mais c'est de ça où il parle. D'accord, je comprends. Voilà. C'est sur les 3 heures d'enregistrement que je vous dis à la prochaine. Et puis, passez une bonne journée. Et voilà. Ciao. Salut.